sommes debout. La radio met debout. La radio met debout. Nous sommes le 84 mars autour de la table de Radio Debout sur la place de la République. Temps frais, petite pluie, mais toujours du monde hein, sous la bâche. Les petites lumières sont toujours là. Avec moi ce soir, Sophie Vaniche, un membre de la commission jury citoyen, et puis Nejma. Nejma qui voulait, pour commencer, nous lire un petit texte histoire de donner le ton à cette antenne. Alors Nejma, on t'écoute. Un texte de Simone Veil. On a retrouvé c'est hier. Même si on est préparé, le malheur même empêche l'activité de la pensée. Et l'humiliation a toujours pour effet de créer des zones interdites où la pensée ne s'aventure pas et qui sont couvertes soit de silence, soit de mensonges. Quand les malheureux se plaignent, ils se plaignent presque toujours à faux, sans évoquer leur véritable malheur. Et d'ailleurs, dans le cas du malheur profond et permanent, une très forte pudeur arrête les plaintes. Ainsi, chaque condition malheureuse parmi les hommes crée une zone de silence où les êtres humains se trouvent enfermés, comme dans une île. Alors on peut dire que ici, Nuit debout, eh bien, le silence est arrêté, il y a eu de longues paroles délibératives. On se demande bien sûr si la Nuit debout va continuer, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir le dire. Ici, à Radio Debout, nous demandons hein, également à Alice comment la radio va continuer. Elle se transformera certainement comme le mouvement Nuit debout va se transformer. À toi Alice. Merci Nejma. Alors je récupère un casque, voilà, ça y est, mes oreilles sont au chaud. Donc ce soir, pour ouvrir le bal, nous avons invité Sophie Vaniche, historienne, que nous avons déjà eu une fois, plusieurs fois à l'antenne, il me semble, avec nous à Radio Debout, qui s'est pas mal prononcée dans les médias sur le mouvement, qui a un regard qui nous semblait tout à fait intéressant. Et pour nous accompagner, Antoine Guigné des jurys citoyens. Alors peut-être que pour commencer, Antoine, tu pourrais nous expliquer ce que c'est que les jurys citoyens, et ensuite nous discuterons. Voilà, alors les jurys citoyens, je peux te voir. Donc les jurys citoyens, je rappelle en fait le principe, c'est des petits groupes de citoyens tirés au sort qui vont se positionner sur des sujets de société qui peuvent être locaux, nationaux, qui vont être alimentés par des experts, des pour et des contre, et qui vont émettre un avis délibératif sur le sujet. Donc ça, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps, qui est utilisé en Allemagne, au Danemark, en Suède. Ça a été, dans un dispositif un peu différent, utilisé en Islande pour refaire la Constitution. Il y a eu 750 jurys citoyens qui ont travaillé là-dessus. Et en France même, il y a des jurys citoyens qui ont été faits sur les OGM en 98. La fin de vie en 2013 est à certaines collectivités qui l'utilisent. Même Madame Hidalgo l'utilise un petit peu de manière... comme ça, et d'autres politiques vont l'utiliser. Donc nous, les jurys citoyens, notre objectif, c'est de le démocratiser, que tous les citoyens puissent faire eux-mêmes leurs jurys citoyens, savoir comment ça marche, éventuellement faire des jurys citoyens locaux pour s'opposer ou, disons, participer à la vie locale. Et après, on veut l'institutionnaliser, c'est-à-dire que dans toutes les lois, on puisse, avant toutes les lois, avoir un jury citoyen qui se prononce sur les lois. Voilà le dispositif de la commission jury citoyen. Formidable. Eh bien, écoutez, maintenant qu'on en sait un peu plus, je pense que, puisque vous nous avez dit que vous étiez là pour poser des questions, vous allez être un collaborateur formidable pour poser des questions à Sophie Vaniche à mes côtés. Alors peut-être pour commencer, Sophie, vous aviez répondu dans une interview à l'Humanité le 15 avril, donc il y a un peu plus d'un mois, que Indignés et Occupy ont buté sur la difficulté d'élaborer et de produire autre chose qu'une simple situation de manifestation. C'est la grosse différence avec ce qui se passe ici. Donc voilà, ça c'était il y a un mois. Aujourd'hui, on voit que l'occupation peut-être s'essouffle un peu, peine, mais néanmoins, il y a des actions qui essaiment un peu partout ailleurs, que ce soit au sein des Nuits debout ou au sein d'actions parallèles. Notamment en ce moment, il y a beaucoup les blocages, etc. On reviendra dessus au sein de l'antenne. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire aujourd'hui, un mois après ? La sensation que j'avais, c'est que la question n'était pas simplement de se manifester, ni même de fabriquer la fameuse AG, qui était un point important, mais justement de produire un espace délibératif sur toutes sortes de questions, qui sont des questions politiques au long cours, et pas simplement immédiates. Il y avait des questions immédiates, des actions immédiates, mais il y avait aussi cette manière de prendre en main des questions cruciales, à l'échelle de l'économie, à l'échelle européenne, à l'échelle de la refondation d'une constitution en France. Et en conséquence, il y avait quelque chose de la capacité des individus à affirmer qu'ils étaient bien le peuple souverain capable de délibérer. Et il me semble que de ce point de vue-là, c'est un peu différent de ce qui s'est passé effectivement à Occupy et Plaza del Sol. Et surtout, la perspective n'est pas une perspective immédiate de déboucher, mais justement cette capacité à se représenter les uns aux autres comme peuple compétent pour pouvoir réfléchir ensemble. Ce qui est quand même le béaba de la liberté politique depuis la constitution d'Athènes au 5e siècle. Justement, vous, les jurys citoyens, vous constituez en tant que jury de citoyens qui considèrent et qui prennent la parole pour interroger des organismes, enfin des structures politiques. De quelle manière est-ce que vous vous êtes constitué à Nuit Debout et en quoi est-ce que ça fait écho ce que Sophie vient de nous dire? Donc jury citoyen, donc c'est un projet que nous on avait avant Nuit Debout en termes d'outils politiques citoyens pour remettre le citoyen en place. Par rapport à Nuit Debout, donc nous on anime notre commission, on participe à des travaux, donc comme dit Sophie, on est plutôt dans la partie construction hein, de Nuit Debout, avec d'autres commissions comme les constituants, comme Cahier de doléances, avec qui on a des contacts, hein, on est en phase je pense. Voilà. Donc nous, les jurés citoyens, je pense que donc on est tout à fait en phase avec le process de construction de quelque chose à partir de la place, hein, à partir de citoyens sur la place, ce qu'on pourrait qualifier de un peu d'assemblée populaire. On a parlé avec des Espagnols, on s'est renseigné pour voir un peu qu'est-ce qui se faisait. Et donc en Espagne, il y a beaucoup de choses comme ça où les citoyens ils font des comités de quartier et ils vont proposer des choses. Donc pour nous, la Nuit Debout, c'est un process qui pourrait entre guillemets être pérennisé. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir des assemblées populaires de citoyens, type forum athénien, partout, qui vont faire des propositions. Après, le jury citoyen, en général, il arrive après. C'est-à-dire qu'une fois que les propositions sont faites par des citoyens qui sont plutôt actants, voire militants, ou en tout cas qui font des propositions, le jury citoyen passe derrière pour valider les propositions par des citoyens neutres. C'est ce qui va légitimiser les propositions. Et permettre de donner de la force au dispositif. Alors après, il peut y avoir des débats par rapport à la neutralité du dispositif. En tout cas, nous, c'est ce qu'on propose et auquel on croit. Oui, Sophie, vous voyez faire la grimace. Et justement, toutes ces questions neutres. Parce que... Enfin, je ne sais pas ce que c'est qu'un citoyen neutre. Je pense que ça n'existe pas. Et heureusement, parce que le principe de la démocratie, c'est la mise en œuvre de la conflictualité réglée. Donc ça suppose justement de mettre en scène le conflit. Et il me semble que ce qui est important, c'est que ce soit justement les gens qui sont au fait de leur position conflictuelle qui, à un moment donné, produisent la décision. Et que si ce n'est pas un enjeu où on voit quel est le point d'accord sur le désaccord, il n'y a pas de possibilité de produire quelque chose qui soit pertinent, démocratiquement parlant. Parce que le consensus, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de débat, donc il n'y a pas besoin de jury, il n'y a pas besoin d'évaluer. Si on est d'accord, et ben, dans une certaine mesure, ça veut dire que la question elle est déjà réglée. Et donc, ce n'est plus la question démocratique. C'est juste la question, je dirais, de la gestion. Voilà. Le propre de la politique, c'est de gérer ce qui est conflictuel, pas de gérer ce qui est consensuel. Alors, après, l'autre difficulté, c'est quand même aujourd'hui, il pleut beaucoup, il fait un peu froid. Les places en France, c'est pas le bon endroit pour faire ce genre de choses. Donc la vraie question qui se pose à nouveau, et c'est une question qui traverse différents lieux, j'ai vu que Jacques Rancière allait parler de ça à la parole errante jeudi, je crois, mercredi, je ne sais plus. Et c'est de savoir quels sont les lieux du politique. Et j'avais parlé de ça il y a un moment dans le film Ulysse, dans le Notre Monde de Thomas Lacoste. Et je pense qu'il va falloir réinventer des lieux du politique. Et il y a différents lieux du politique, par exemple dans la période que j'étudie beaucoup, la période de la Révolution française. D'une part, les sociétés fraternelles, où les gens débattent d'une manière plus ou moins consensuelle, plus ou moins, parce qu'il y a toujours un peu de conflictualité, et c'est nécessaire pour avoir des choses à expliciter, sur ce qui arrive, et ce qui arrive en particulier comme proposition de loi, pour pouvoir avoir une opinion sur cette loi. C'est-à-dire qu'avant d'avoir une opinion sur quoi que ce soit, il faut pouvoir être informé dans un débat public, et les sociétés fraternelles servent à ça, à la fois à surveiller et à s'informer. Mais ensuite, il y a des assemblées primaires, qui sont des assemblées du souverain, c'est-à-dire c'est le peuple assemblé dans les quartiers, dans toutes sortes de villages, enfin voilà. Donc tous les lieux du politique sont ceux de la souveraineté quand il s'agit de prendre des décisions sur ces lois et sur ces représentants. Et donc là, c'est le contraire, c'est le contraire de la neutralité, c'est au contraire dans ces assemblées qui sont les plus conflictuelles, qui ne sont pas les sociétés fraternelles, mais les assemblées sectionnaires, les assemblées primaires conflictuelles, que là va se prendre une décision sur la loi. Donc elle ne peut être prise d'une manière intelligente que s'il y a eu déjà beaucoup de débats en amont qui permettent de produire un argumentaire éclairé pour que les gens y votent en fonction de ce qu'ils pensent et pas en fonction de préjugés. Et donc toute la question de ces lieux d'élaboration, c'est pas de neutraliser, c'est de sortir des préjugés. Mais sortir des préjugés, c'est pas devenir neutre, c'est savoir pourquoi on pense ce qu'on pense. Alors là, il y a plusieurs choses dans ce que vous venez de nous dire. D'abord, il y a la question, et qui est une question qui a énormément été au cœur tant du mouvement que de l'actualité politique, qui est la question de la démocratie. À Nuit Debout, on s'est demandé comment voter, il y a eu un processus de vote, un processus de décision expérimentale qui a été testé. Après, il y a eu l'épisode du 49-3 au sein du gouvernement qui a beaucoup fait parler autour de qu'est-ce que la démocratie, jusqu'où le pouvoir politique peut aller. Et il y a la deuxième chose, vous nous parlez des lieux. Alors peut-être d'abord, j'aimerais revenir sur cette question de la démocratie. Est-ce que, selon vous, et c'est une question que je pose aussi à vous, membre de jury citoyen, les Nuits Debout ont apporté un nouvel éclairage, ont ouvert une brèche de réflexion là-dessus qui apporte une évolution? Alors, vous ne faites pas la même tête, donc je vous écoute. Moi, ce que je vais... Quoi ? Par rapport à Nuit Debout, il est évident que Nuit Debout apporte un éclairage et, disons, est une expérience citoyenne qui est très, très forte. Après, il faut quand même faire attention à pas sombrer dans l'entre-soi et à penser que Nuit Debout, c'est le centre du monde. Donc nous, jurés citoyens, on essaie de recruter à l'extérieur de la place et on voit que les gens, ils connaissent pas Nuit Debout, ils savent pas ce que c'est. On est victime d'une espèce de guerre médiatique où on est sous-exposé quand même. C'est quand même ça le problème. Donc comme on est sous-exposé, bon, personne ne sait ce qui se passe à Nuit Debout. Donc c'est quand même très très compliqué de valoriser l'activité citoyenne. Bon, nous, on y croit, hein, jurés citoyens, on est là pour ça. Même ce qui se passe au niveau de l'AG, nous, on a eu... Alors, je donne l'anecdote, on a eu un article dans le Figaro Magazine où on a été photographié, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec jurés citoyens marqué une centaine de commissions débattent des sujets les plus farfelus, et il y avait jurés citoyens, il y avait les constituants, qui sont des sujets ultra sérieux. Comment je vous ai dit, il y a des politiques. Et donc on a une espèce de, comment dire, de guerre médiatique qui nous étouffe. Alors ça, c'est compliqué. Et l'expérience citoyenne, pour moi, elle n'est pas assez valorisée. Alors on en est là. Je crois que ça, c'est un débat. Comment sortir de cette vision où les gens ne comprennent pas qu'il se passe quelque chose. Bon, en tout cas, je pense qu'il y a un débat là-dessus. Il ne faut quand même pas se fermer les yeux là-dessus. Sophie, Alors pour moi, c'est un prototype, c'est-à-dire que même si c'est restreint, petit et encore sous-exposé sans doute aux médias, il se passe quand même quelque chose d'extrêmement important, parce que les gens qui viennent ici se sacrent eux-mêmes comme peuple, et comme ils se sacrent eux-mêmes comme peuple, eh ben, ils vont eux-mêmes faire des petits pour dire voilà qu'est-ce que c'est qu'être peuple. Et on a fait il n'y a pas très longtemps, lundi de Pentecôte, on a fait une commission vacarme, qu'est-ce que la Nuit Debout déplace dans le politique. Et avec les gens qui étaient sur la place, on avait annoncé les choses. Et c'est très varié, c'est-à-dire que les attentes et les manières de penser le politique qui sont présentes sur cette place sont extrêmement variées. Et donc il y a quelque chose qui se joue du mélange des opinions et du mélange des imaginaires qui est le propre de la démocratie. Et du coup, oui, ça déplace des choses extrêmement importantes dans l'ambition démocratique, parce que ça permet de redonner à cette ambition démocratique une réserve empirique qui a existé. C'est-à-dire, ça a existé. On a été capable de se parler avec des gens extrêmement différents, qui ne partagent pas d'habitude les mêmes opinions, qui ne viennent pas des mêmes horizons sociaux, qui ne viennent même pas simplement sans de périphérie. Il y a aussi des gens qui viennent de la périphérie, qui viennent ici. C'est l'imaginaire là, qui a été distribué, que c'était un lieu homogène, blanc et un peu bobo, c'est pas vrai. Il y a énormément de diplômés précarisés. Il y a énormément de gens qui, depuis longtemps, souhaitent que quelque chose advienne, un peu comme moi, qui sont là, qui sont sur la place quand ils peuvent. Il y a des gens qui sont du quartier, il y a des gens qui sont politisés à l'extrême gauche dans des lieux variés, il y a des écolos, il y a toutes sortes de choses. Et donc, il me semble que ça, c'est ce que les Grecs appellent le mélange, au sens où la vérité de la démocratie ne peut émerger que quand on produit constamment de l'agitation de ce mélange et qu'on empêche des stratifications de se mettre en place entre des grands et des petits. Voilà, en gros, c'est ça. Et comme la stratification entre les grands et les petits, c'est ce qui pose problème pour pouvoir continuer à élaborer dans la conflictualité, eh ben, le risque, quand il y a des grands et des petits, c'est qu'on passe à la guerre civile. Et donc là, le propre de Nuit Debout, c'est quelque chose d'extrêmement important, dont on n'a peut-être pas encore pris la mesure, c'est que ce mélange permet de retenir la cruauté, y compris, ou la violence si vous voulez, y compris avec des gens qui pensent que la violence est la bonne méthode. Voilà. Et ce qui a toujours été une question, en tout cas depuis longtemps, de savoir comment on transformait la donne sociale, est-ce qu'on l'a transformée par une rupture violente, par la violence, ou par l'institutionnalisation de nouvelles pratiques de liberté politique. Et ben justement, dans ces pratiques, il y a l'AG, qui est l'Assemblée Populaire, qui est au centre des Nuits Debout. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille écouter un petit peu l'AG et qu'on revienne ensuite sur le plateau discuter de tout ça. C'est ça ? La condition des migrants, l'extrême pauvreté, la guerre, voilà. Non, je ne demande pas si vous êtes d'accord, parce que là, on va voter. Non, il y aura un débat seulement s'il y a vraiment pas 50-50 ou une opposition radicale, mais voilà. Donc d'abord tout le monde est d'accord pour qu'on vote, donc voilà, pour soutenir le fait que la première proposition d'Alex, donc un objectif principiel même de Nuit Debout, c'est l'élimination des souffrances extrêmes, des souffrances les plus criantes comme la souffrance animale, la souffrance des migrants, des victimes de guerre, donc la souffrance des gens qui sont rejetés hors politique, en fait. Hein, et des êtres... Non, mais en gros, là... Voilà, ou des victimes du système, voilà. Non, là... Je pense que ce qui rassemble les souffrances qu'il a énoncées, parce qu'il a fait une liste, mais qui en même temps ne peut pas être exhaustive, donc j'essaie d'en donner une sorte de concept... Ce sont des souffrances extrêmes et en gros, ce sont les souffrances qui n'ont pas accès au champ politique, voilà, en gros. Voilà. Alors, donc je vais demander d'abord qui veut participer au vote, enfin qui ne participe pas au vote plutôt, qui ne veut pas participer au vote. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez vous décaler tout sur la droite pour me faciliter le compte? Derrière le monsieur au chapeau, ceux qui ne participent pas au vote. Voilà. Donc, parmi ceux qui se participent au vote, vous mettez bien en face de moi. Bien en face de moi, là. Voilà. Donc, parmi ceux qui participent au vote, donc je suppose que de ce côté aussi, voilà, vous participez au vote. Donc, je veux demander d'abord qui n'est pas... Voilà, qui ne veut pas donner son soutien à cette proposition. Monsieur... Juste votre sang, pas d'opposition radicale ? Non. D'accord. Ok, donc un vote contre. Donc maintenant, je vais demander, est-ce qu'il est pour, qui est pour adopter son soutien à cette donner son soutien à cette proposition ? Et, regardez, ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, sûr, il y avait votant... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sur 17 votants. Voilà. Donc, ça ne fait pas le tiers. Donc, j'ai le regret de te dire que ta proposition n'est pas adoptée. Voilà. Non, vous n'êtes pas considéré comme votant. Oui, je vous ai compté, mais ça fait pas le tiers du corps. Enfin bon, il y a des questions de quorum. Et en plus, même parmi ceux qui votent, il a pas la moitié. Donc voilà. Parmi ceux qui votent, attends, non, parmi ceux qui votent, Radio Debout, la radio dont le cœur bat et boue. Ah, donc vous êtes bien de retour avec Darivador sur le plateau de Radio Debout. Voilà, je suis toujours avec Sophie Vaniche, Antoine, des jurys citoyens. On entendait l'AG, hein, on voit que c'est toujours intéressant. À l'AG, il y a toujours des pour, des contre. Ce dissensus dont on parlait juste avant d'écouter l'Assemblée Générale. Justement, moi je me demandais comment est-ce que le mouvement qui a essaimé un peu partout en France, dans différentes régions et dans différentes actions, comment est-ce que, selon vous, ce mouvement continue à faire collectif ? En fait, peut-être que Nuit Debout, c'est d'abord un énoncé. Mais un énoncé, c'est important parce que ça permet justement de donner un nom collectif à une myriade d'activités qui sont plus ou moins à haute teneur politique, mais en tout cas de donner un nom collectif. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer dans différents endroits où, que ce soit au lycée Jean Jaurès au moment de l'expulsion, que ce soit le blocage en la gare d'Austerlitz, que ce soit d'autres moments forts de ces deux dernières semaines, les gens y vont en se réclamant de Nuit Debout et reviennent expliquer ce qui s'est passé à Nuit Debout. Donc il y a quelque chose là, simplement autour de la place de la République et dans la région parisienne, qui est un enjeu important. Après, ce qui se passe en province, pour en avoir discuté avec certaines personnes, la sensation qu'elles ont, c'est que c'est pas la même chose qu'à Paris. Mais on peut pas vraiment savoir. Et dans une certaine mesure, même si c'est pas la même chose, un certain nombre de gens, parfois en tout petit groupe, parfois de manière un peu plus large, utilisent le même énoncé. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que dans cet énoncé, il y a des choses qui sont intéressantes sémantiquement. Évidemment, être debout et pas à genoux, mais c'est aussi nuit. C'est un peu comme si on était dans la nuit démocratique et qu'on fait un peu de lumière dans cette nuit démocratique. Et effectivement, on traverse quand même un très mauvais moment pour ce qu'il en est, même de la ritualité la plus accomplie de la démocratie. Donc il y a quelque chose d'un éclair dans la nuit et qu'il y a une multiplicité de choses qui se transmettent de ce côté-là. Et je pense que même si ça n'était qu'un énoncé, que c'était simplement l'énoncé qui faisait lien commun, eh ben c'est pas si mal. Voilà, c'est déjà beaucoup d'avoir un énoncé qui permette de dire, voilà, nous on est conscient que c'est la nuit, et en même temps on produit la lumière en restant debout, c'est-à-dire à la fois pas à genoux et en même temps réveillé. Et réveillé, c'est quelque chose effectivement qui est un énoncé classique, je dirais, de tous les mouvements insurgés, insurrectionnels, révolutionnaires. Il s'agit toujours du réveil du peuple. Alors, donc évidemment, rester réveillé, c'est pas rien. Et peut-être c'est aussi rester en éveil. Après, la veille, le réveil et le sommeil, c'est quelque chose qui est nécessaire. Et donc, il y a un certain nombre de gens qui se plaignent, il y a moins de monde à Nuit Debout. Bon, mais je dirais, dans une certaine mesure, il faudrait l'assumer et peut-être décider d'un moment de clôture et d'un moment de réouverture. Comme on décide, on se couche quand même à un moment donné et on se réveille à nouveau. Et je pense que c'est important d'accepter d'avoir une rythmique comme d'avoir essaimé. Et je pense que ce qui se cherche aujourd'hui, c'est cette rythmique. On n'a pas encore réfléchi sur le rythme du travail politique. Alors peut-être avant de revenir sur cette question du rythme, vous nous disiez que finalement Nuit Debout c'est un énoncé. Ce qui est important, c'est que finalement le citoyen se saisit de cet énoncé. Donc c'est quand même complètement ce qui se passe avec les jurys citoyens. C'est-à-dire que c'est des gens qui décident de se saisir de questions qui font politique et d'apporter leur grain de sel, leur avis. Tout à fait. Non, tout à fait. Non, on est en phase avec Sophie hein, sur le process démocratique. C'est des variantes. C'est pour ça que je tiens à dire que nous, on est très promoteurs du phénomène jury citoyen. Ce que dit Sophie, du phénomène Nuit Debout, pardon. Ce que dit Sophie sur l'éveil, moi, je crois que c'est ça qui est important. C'est que Nuit Debout, c'est un éveil démocratique et c'est l'idée de ne plus être soumis à une autorité. Donc nous, jury citoyens, on est là-dedans. C'est une variante un petit peu différente, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que le politique n'est pas seul à décider à un moment. Les citoyens se prononcent dans un dispositif qui est un petit peu différent que l'AG, mais il existe. Donc pour nous, ça c'est pareil. On a vu, hein, quand on parle de la province, des gens d'Alfortville là, qui sont venus nous voir pour monter un Nuit Debout. Donc il y a une attente hein, de faire des choses comme ici. Donc l'idée qu'il y ait une place, qu'il y ait un forum à l'Athénienne, pour moi c'est la grande force de Nuit Debout. Hein. C'est vraiment là où... Où les gens, ils ont cette attente, ils ont l'enthousiasme. Ici, c'est vrai que c'est un peu dur, au bout de presque 2 mois, faut tenir. Hein. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de ne pas être là tout le temps. Nous, jurés citoyens, on n'est pas là tous les jours, hein, c'est compliqué. Donc ça joue aussi. Et donc, il y a toujours une attente sur Nuit Debout. Je crois que ça va continuer, peut-être plus par la province. Il faut l'organiser, il faut qu'il y ait des événements, il faut qu'il y ait des actions. Qu'il y ait des actions de lutte, mais aussi des actions citoyennes aussi, pour que ça dure. Justement, bah, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette semaine, il y a eu beaucoup d'actions, notamment de blocage, des raffineries, de ports. Dans quelle mesure est-ce que ces actions-là, qui sont des actions très concrètes, hein, on va à un endroit, on barre une route, font partie aussi de l'élaboration d'une pensée politique ? Alors là, ça ne fait pas partie de l'élaboration d'une pensée politique. C'est la réactivation de formes d'action face à une loi qu'on considère comme extrêmement néfaste, nuisible à l'ensemble du corps social, et on réussit utilise des formes d'action classiques dans ces cas-là. Donc là, en l'occurrence, sur les raffineries, sur les routes et sur les trains, il s'agit de la fameuse interruption des flux, et avec la conviction qu'une société se bloque quand on interrompt ses flux et que s'il n'y a plus de carburant, à un moment donné, on pourra avoir à nouveau un rapport de force. Donc c'est la... l'explicitation que ça ne suffit pas de délibérer, il faut à un moment donné construire un rapport de force pour pouvoir lutter contre ceux qui ont confisqué le pouvoir et qui confisquent le pouvoir contre en fait l'espace délibératif qui s'est clairement exprimé, y compris au-delà de Nuit debout, sur la loi travail. 54% des Français considèrent que c'est une mauvaise loi. Donc il y a quelque chose qui se joue dans la possibilité de construire le rapport de force et de le construire en lien, mais en lien seulement avec Nuit debout. Alors moi, je vais être un peu provocateur parce que sinon, ça va ronronner trop longtemps. C'est très bien. Non, je pense que bon, sur les histoires de d'actions concrètes, de blocage, etc. Bon, bah, c'est sûr que c'est d'actualité. Après, c'est une forme d'action. C'est une forme d'action de dire on va essayer de bloquer, on va essayer de bloquer la loi. Admettons qu'on arrive à tout bloquer et à changer la loi. Qu'est-ce qui va en rester dans l'opinion publique, parce que c'est quand même ça le peuple. Hein. Le peuple, il est sur la place, mais il est aussi en dehors de la place. Donc il faut faire quand même toujours attention à ça. Hein. Et donc, c'est pour ça que je parlais des 54%. Voilà, non, mais je pense que les 54%. Mais le problème de la grève, c'est est-ce que les 54%, quoi, dans le merdier médiatique qu'on a, parce que c'est quand même ça qui est compliqué, on est dans un monde complexe, et est-ce qu'on va pas se faire piéger là-dedans ? Donc il faut des actions. Piéger par quoi ? Par le monde, par les médias, par le monde des médias, et que l'opinion publique se retourne progressivement contre Nuit debout, parce que c'est un petit peu ce qui se passe aussi. Hein. La popularité baisse un peu, ça remonte avec la province, je pense. Sur Paris, ça baisse. On a des attaques médiatiques qui sont délirantes. Enfin, quand même, j'en parle parce que c'est délirant. Quoi. La façon dont les médias sont complètement contrôlés, quoi, c'est atroce. Et donc, tout ce qui va dans le débat de construction va aussi nous porter. Vous voyez, donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a eu un gros... disons des grosses actions sur les luttes, donc ça c'est bien, entre guillemets, c'est presque des succès, quoi, parce que ça avance, etc. Mais sur tout ce qui est construction, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire que nous, jurés citoyens, on a dû énormément de mal à exister médiatiquement, les constituants c'est pareil. Vous voyez, donc c'est dommage que le mouvement Nuit debout n'arrive pas à faire aussi une lumière. C'est-à-dire que les commissions, c'est des petites commissions. On n'a pas d'outils de communication. Vous voyez. On est en même temps au cœur de l'outil de communication de Nuit debout, c'est Radio debout. L'outil de communication de Radio de Nuit debout. C'est quand même un relais, une écoute. Oui, mais énorme. C'est-à-dire que quand même, il y a quelque chose là qui est spéculaire. C'est-à-dire que si on est là en train de parler sur Nuit debout, c'est parce que Nuit debout, parmi les différentes commissions, il y a eu Radio debout. Et cette radio, elle est quand même podcastable. Donc tout ce qui s'est passé et que vous avez travaillé, on pourra le rediffuser sous le mode du buzz, sous le mode sur un mode autre. Et je pense que la prochaine séquence politique, en fait, va être une séquence où la multiplication des outils possibles médiatiques vont permettre de ravir le monopole qui est aujourd'hui celui des grands médias, à la fois télévisuels, radio et papier, en produisant la possibilité de multiplier les publics. Et sincèrement, pour le moment, le côté gauche ne l'a pas fait. L'extrême droite le fait depuis des années et a gagné la partie idéologique aujourd'hui. Comme ça, il est temps qu'on s'y mette, et justement, il se trouve qu'à Nuit debout, on s'y est mis. Donc je pense qu'il va falloir surtout continuer et essayer de voir comment on peut... avec tout ce qui a été engrangé, envoyer des choses précises, repérer, enfin voilà, utiliser cette archive radio. Alors justement, oui, effectivement, pour parler au nom de la radio de mes collègues, on tient à rappeler qu'on n'est pas le média de Nuit debout. Il y a plusieurs médias qui se sont montés, c'est sûr qu'ils s'appuient sur Nuit debout. S'il n'y avait pas eu Nuit debout, il n'y aurait pas eu Radio debout, il n'y aurait pas eu non plus TV debout, il n'y aurait pas eu non plus La Gazette debout. Et on est là dans une volonté de faire sens et de faire archive sur ce qui se passe, mais on tient aussi à rappeler que nous ne sommes pas... Non, mais c'est pas une courroie de transmission, mais c'est justement une pratique qui redonne sa liberté d'action aux médias. Oui. C'est-à-dire que du coup, ça devient cette autre puissance à l'intérieur de l'espace public politique. C'est-à-dire l'espace public politique, il est à la fois les assemblées primaires, les assemblées fraternelles, et la possibilité d'avoir des journaux qui relatent ce qui se passe. Et la multiplication de ces journaux est ce qui produit la révolution en 1789. Si on n'avait pas la possibilité d'avoir toutes ces gazettes, justement, il n'y aurait pas de débat public et il n'y aurait pas de capacité à prendre conscience de ce qui se passe à l'Assemblée, par exemple. Donc là, on est dans un moment qui est évidemment simplement avec des points d'analogie, ça, c'est pas comparable sur d'autres plans. Mais ces points d'analogie sur les enjeux médiatiques me paraissent extrêmement importants. On a aujourd'hui une multiplication de possibles qui sont utilisés et qui sont utilisés par des gens qui sont très compétents. Voilà, il y a vraiment beaucoup de gens très compétents. Et c'est extraordinaire parce qu'on a, on a le sentiment qu'on pourra faire la campagne électorale prochaine, si on souhaite la faire, avec d'autres médias que les médias qui confisquent le pouvoir. Oui, donc ce qui est intéressant, c'est cette multiplicité des paroles, finalement, des lieux de parole. Et c'est pour ça aussi que nous allons maintenant diffuser un petit son. C'est de la poésie. Voilà, ce sont des textes écrits par Jean Rouault sur Nuit debout et qui ont été publiés dans l'Humanité et que nous allons écouter tout de suite. Heilige Nacht. La nuit a dit debout. Tout le monde se lève, bien sûr, tant on est heureux qu'un mouvement initié par la jeunesse prenne les rênes de la contestation, tant la situation ne peut pas durer, qui commande à chacun d'admettre sans broncher que les maîtres du profit fassent tranquillement leurs mirifiques affaires sur le dos de la multitude. Mais en fait, non, tout le monde ne se lève pas. On constate que certains restent assis, s'indignent, tiennent des propos véhéments, aimeraient renvoyer tout le monde se coucher. Mais se coucher, c'est précisément ce que la jeunesse ne veut pas. Se coucher, c'est bon pour les pleutres et les courtisans. Ce qui nous rassure, c'est que les assis composent la plus affligeante des brochettes. Philippot, Le Pen, Copé, Fillon, Le Maire, Pécresse. Et le chantre de la droite forte, à propos duquel on se demande comment, par quel lifting inversé, il s'y prend pour faire si vieux en étant si jeune. Seule de la clique des Républicains se lève Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est elle déjà qui avait eu la parole la plus juste, la plus sage, à propos du menu dit de substitution, ce qui en soi est déjà une appellation suspecte. Aucun restaurant ne proposerait un menu de rattrapage, déclarant que le plus important n'était pas le contenu de l'assiette, mais de partager la même table. Un arrière-grand-père fondateur du PCF, peut-être que ça aide à comprendre que tout n'est pas pour le mieux dans le meilleur des mondes pour les nantis. Les CRS se sont levés aussi, bien que ceux-là on les préfère assis sur des banquettes de leur car à taper le carton. D'ailleurs, quand ils se lèvent, ils tapent encore. Mais quand ils se lèvent, comme ils sont disciplinés, ça signifie qu'ils ont reçu un ordre, lequel provient du ministère de l'Intérieur. De sorte que l'on peut en déduire que le gouvernement préfère voir les jeunes assis, se coucher tôt, apprendre leurs leçons et éteindre pas trop tard. C'est un réflexe de parents, de vieux parents, d'un jeune vieux comme le leader de la droite forte, de parents qui ont fait leur temps. Car les temps changent pour lesquels ils ont passé la date de péremption, n'ayant rien à proposer que leurs vieilles clés dans leurs vieilles serrures, leurs policiers et leurs taxes, leurs promesses de politiciens qui ne visent qu'à réclamer encore une minute à monsieur le bourreau, et même d'en reprendre pour 5 ans, ce qui semble le comble de la déraison, ce qui dit que moi, président, et son grand vizir sont atteints d'un déni de la réalité. Que cela reste assis. Mais les autres, les debout dans la nuit sacrée, on y revient. Jean Rouault. Radio debout. Les debout dans la nuit sacrée, on y revient, hein, oui. C'est ce que vous nous disiez aussi tout à l'heure. Il y a la nuit, mais il y a les gens debout. Et c'est aussi... C'est aussi très beau et ça fait beaucoup sens depuis le début de ce mouvement de voir qu'il y a un espace de parole qui se libère et une place aussi qui s'est créée pour des paroles fragiles, des personnes à qui on n'aurait peut-être pas donné la parole, qui n'auraient pas osé prendre la parole et qui ici peuvent venir à l'AG, prendre le micro et s'exprimer. Alors peut-être pour finir, vous en tant qu'observateur participant de ce mouvement, qu'est-ce que vous nous en diriez sur ces paroles fragiles ? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je trouve que c'est essentiel que n'importe qui puisse passer à l'AG, que ce soit quelqu'un qui a un message politique sérieux, mais qu'il y ait aussi des gens de tout bord qui viennent parler de leur... Il y a un phénomène un peu je vais ouvrir le débat. Il y a un phénomène un peu psychanalytique sur l'AG. Moi, j'ai une vision en disant « Ah, les gens, ils parlent ». Ils parlent et ils se rendent compte qu'ils peuvent parler. Et là, dans le soulèvement populaire, je pense que c'est un des axes qu'il faut conserver, qu'il faut garder cette parole libre. Voilà. moi je pense que la question c'est pas tellement la parole libre, c'est l'écoute attentive. Et donc c'est quelque chose qui a été souligné à plusieurs reprises quand on a fait le texte collectif Vacarme, où en fait des prises de parole, il y en a un peu partout, mais parfois elles tombent à plat, c'est-à-dire qu'elles sont pas entendues, elles sont pas écoutées. Et ce qui arrive là dans les commissions, c'est que tout le monde est écouté, et que ce qui a changé, c'est la qualité de l'écoute. Et que c'est pour ça que ces paroles fragiles peuvent trouver place, c'est qu'il y a une qualité d'écoute. Mais que cette écoute, justement, elle est l'œuvre non pas d'un individu qui est professionnel, mais qui est une espèce de co-œuvre par ce peuple qui ainsi s'auto-institue comme tel. Alors, Nuit Debout, un grand thérapeute bienveillant, hein, la question est en suspens. Merci beaucoup Sophie, merci beaucoup Antoine d'être venu avec nous sur le plateau, et nous retournons justement écouter l'Assemblée Générale. Merci. Vous voyez maintenant des caisses automatiques. Peut-être que ça va continuer, c'est ce pas de compter. Si parfois je me rebive, je lance mes chiffres, je prononce un nombre heureux, soyez-en deux. 140, 810, BJFT, 720, 80 et 49, 3. Face des propositions concrètes, qu'est-ce qu'on fait des 6 millions de chômeurs? Est-ce qu'on les laisse au chômage? On leur dit rien? Ou alors, est-ce que ceux qui travaillent 50 heures par semaine et qui ne voyaient pas leur gamin grandir, on leur dit, bah, vous continuez à travailler 50 heures. Enfin, voilà. Et pour l'instant, il n'y a rien. Et puis, le dernier point, on avait proposé aussi l'idée que la production soit gérée par l'ensemble des travailleurs associés démocratiquement, ce qui n'est pas le cas actuellement, hein, parce que c'est le régime de la dictature patronale dans lequel nous vivons, hein, dans l'entreprise. Eh bien, on avait proposé, alors je vous lirai la proposition, hein, gestion collective des entreprises par les travailleurs associés, je ne sais plus, en fonction des besoins sociaux et selon des impératifs écologiques. Évidemment, aujourd'hui, la production, c'est... Bon, je ne vais pas être trop long, donc l'écologie, c'est aussi un facteur important et déterminant pour nous. Voilà, donc, voilà. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, des oppositions éventuellement? Moi, je ne sais pas. Hein, nous, alors, on a rajouté, pour la petite histoire, à la dernière, on se réunit pas plus tard qu'il y a deux jours, et on avait mis dans notre plateforme, là, on ne va pas la soumettre, mais ça peut être aussi intéressant, là, on avait prévu la gratuité des soins, des transports de tête et aussi de l'éducation. Et on s'est dit, bah, aussi, la nourriture, les biens de première nécessité, dont la nourriture, et les vêtements de première nécessité devraient être gratuits. On devrait ne pas pouvoir payer pour pouvoir se nourrir dans cette société-là. Et je pense que, compte tenu de ce que j'ai cité tout à l'heure, les revenus des plus riches, des 10% des plus riches, en clair, si on leur prend quasiment tout, on aura tous de quoi bouffer, de quoi se nourrir, de quoi se loger, notamment pour les enfants. Voilà. Donc, vous voyez, on fait évoluer la proposition en fonction de... Et d'ailleurs, on invite tout... J'ai une annonce. On va sortir un journal dans 2 semaines environ. Et si vous avez des propositions d'articles, et évidemment des propositions, si vous êtes d'accord avec la philosophie de la plateforme, évidemment, eh bien, vous n'hésitez pas à nous les soumettre. Hein. Il y a un camarade qui est là, on a un email, on a des téléphones, etc. Et on espère même recueillir vos idées et vos propositions. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui souhaitent s'exprimer sur ce que j'ai dit, parce que, ou s'ils ont des oppositions, ou des... Je sais pas. Voilà. Alors toujours à Radio Debout. Alors vous savez, c'est fou. Hein. On a un membre de notre équipe qui est coincé en Bretagne, qui pourra pas être là demain parce qu'elle a plus de carburant. Et oui, même la 1, 2, 3, 4, la pénurie de carburant touche même l'équipe de Radio Debout. Et c'est pour ça que, c'est pas pour ça. Hein, on le savait pas encore. Je m'en farge là, comme on dit au Québec. Donc voilà. Donc j'ai avec moi également Françoise. Françoise qui est fleuriste. Françoise, vous m'entendez? Oui, bonsoir. Bonsoir Françoise, alors ça y est, vous êtes à l'antenne. Françoise, nous on voulait vous appeler parce que justement il y a eu des blocages dans les raffineries, beaucoup dans l'ouest de la France, et vous êtes touchée par ces blocages tant dans votre activité professionnelle que dans votre vie quotidienne. Alors peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce que vous faites? Alors on est horticulteur avec mon mari, on fait de la vente directe. Nous produisons des plantes fleurs, des plantes légumes, des plantes aromatiques, des plantes potagères et nous les vendons directement sur notre exploitation à Séné, à côté de Vannes. En ce moment, c'est le plein boom. On est même ouvert tous les jours. On est ouvert aussi le dimanche pour vendre les plants qu'on a produits tout l'hiver en ce moment. Et donc, pourquoi est-ce que ça vous touche directement cette pénurie de carburant et ces blocages qu'il y a en ce moment en Bretagne? Alors, on l'a senti nettement hier et encore plus nettement aujourd'hui. Soit les gens ont peur de ne pas avoir d'essence et ils n'ont pas bougé, soit ils n'ont pas d'essence, on ne sait pas. Vannes était très calme et de ce fait, on avait une fréquentation clientèle vraiment très diminuée. Et donc, très diminuée. Alors qu'aujourd'hui, ça aurait dû être une belle journée de vente, par exemple, pour vous? Alors aujourd'hui, ça aurait dû être vraiment ce qu'on appelle le rush. Et ça a été particulièrement calme. Quand on a ouvert ce matin à 10h et cet après-midi à 14h, il n'y avait personne. Et petit à petit, il y a eu quelques personnes à venir, plutôt des locaux. On a eu une fréquentation vraiment énormément diminuée. Alors nous, cette grève nous impacte par rapport à cette fréquentation-là. Et alors tout à l'heure, quand je vous ai eu au téléphone, vous me disiez que vous n'avez rien contre les blocages, mais que vous trouviez que ça pénalisait avant tout les petites gens. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? C'est vrai que on peut comprendre ces manifestations parce qu'il y a quand même quelque chose à faire pour que les choses évoluent et ce qui est proposé n'est pas convenable. Et de bloquer les raffineries, pourquoi pas, hein. Mais au final, c'est des gens comme nous qui sommes pénalisés, donc des toutes petites entreprises. Parce que les grosses entreprises vont s'en sortir. Par contre, des gens comme nous, on va être pénalisés. C'est pour ça que je disais que peut-être il faudrait, mais je ne sais pas quoi, inventer quelque chose pour que ce soit les politiques qui soient atteints, eux, et pas à travers nous, parce qu'au final, ils ne sont pas atteints. Écoutez, ils ne nous écoutent pas, ils ne nous entendent pas. Et dans votre vie quotidienne, en tant qu'habitante de Bretagne, quel impact est-ce que ça a sur vous, cette pénurie de carburant? Alors, pour le moment, c'est un peu particulier, puisque comme on fait, nous, de la vente directe, on n'a pas à se déplacer. C'est-à-dire qu'on n'a pas à emmener nos plants de fleurs ou nos plants de légumes ailleurs. Donc, le seul impact que ça a réellement sur notre activité, notre entreprise, c'est le fait que les gens ne viennent pas nous voir, en fait. D'accord. Et dans votre vie, vous, en tant que non-professionnel, on va dire? Là, à l'heure d'aujourd'hui, on a très peu d'impact, puisqu'on achète local, on ne fait pas des kilomètres. Pour le moment, personnellement, sur notre vie de famille, notre vie personnelle, il n'y a pas eu beaucoup d'impact, et surtout au niveau de l'entreprise. Bonjour, alors on avait une question à vous poser aussi au niveau de votre ville. Est-ce que vous avez pensé à monter donc un comité Radio Debout ou même un mouvement fleuriste debout? Alors il y a 2 ans, on a essayé de faire comprendre au gouvernement qu'il ne fallait pas pénaliser les horticulteurs parce que ce gouvernement a décidé d'augmenter la TVA des horticulteurs et de la passer de 7 à 10%, donc ça, c'est il y a 2 ou 3 ans. Ça a été une vraie catastrophe pour nous, horticulteurs, puisque de ce fait, en très peu de temps, on a perdu des centaines d'emplois en horticulture, beaucoup d'entreprises. Et à l'époque, on avait essayé de se faire entendre d'une manière pacifique avec toute notre corporation d'horticulteurs. On a essayé de se faire entendre, on n'a absolument pas été entendu, on a été littéralement maîtrisé. Et là, tout ce qui se passe aujourd'hui, on écoute, on entend, mais la difficulté, c'est que pour nous, horticulteurs, on est à 100% actuellement sur la vente de notre production, en fait. Donc, on n'a pas eu le temps du tout de se mobiliser. D'accord. Est-ce que c'est pas le moment, alors, de monter horticulteur debout? Alors, ce serait peut-être le moment d'essayer de communiquer entre nous. Mais ça va être très, très, très difficile parce que là, c'est difficile pour vous de vous mettre à notre place, mais on va dire que grosso modo, un horticulteur, 80% de son chiffre d'affaires va se faire en avril et mai. Et il est 100% concentré sur ça parce que c'est sa survie, hein. Il y a 10 ans, nous étions 10 000 horticulteurs. Aujourd'hui, on n'est plus que 4 000. On a perdu 6000 entreprises horticoles en 10 ans. Alors vous avez essayé quand même de vous organiser et donc de manifester de façon pacifique et ça n'a pas payé. Donc est-ce que la question de la radicalisation du mouvement horticulteur se pose aussi chez vous ? Eh bien on peut se la poser, hein, tout le monde se la pose, hein, parce que du coup on ne sait plus quoi faire, qu'on est maîtrisé, on n'est pas entendu, on n'est pas écouté, c'est comme si on n'existait pas. On va dire que l'horticulture est un peu sacrifiée, hein, je ne sais pas sacrifié sur quoi d'ailleurs et pourquoi. Pourquoi on est sacrifié? On n'est pas entendu, donc c'est évident que là, l'émergence actuelle va faire qu'on va certainement agir. Mais pour nous, la difficulté là, c'est de survivre. Bon, bah, bon courage, hein. On vous souhaite de vous organiser comme il faut. Merci. Merci beaucoup. On va essayer. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Plutôt crever. Radio Debout. Philippe, t'es cheminot et t'es en grève. Qu'est-ce que tu viens chercher sur la place de la République ? Déjà depuis longtemps, depuis le 31 mars, je viens chercher un peu le climat et me dire que c'est pas très intéressant de savoir comment on peut contrecarrer justement et mettre en place une résistance à cette loi-là. Alors j'ai trouvé intéressant de trouver qu'il y avait beaucoup de jeunes. Alors on disait depuis longtemps, oui les jeunes ils sont pas impliqués, le travail ils s'en foutent, la retraite ils s'en foutent. Et ben non, ici on trouve des gens qui sont intéressés à leur avenir, qui s'intéressent à comment ils seront employés demain, qui s'intéressent surtout à comment ils vont pouvoir organiser leurs loisirs, à comment ils vont pouvoir organiser leur vie sociale, quoi. Enfin, la loi Khomri, j'aime pas trop stigmatiser Madame El Khomri, mais c'est la loi travail imposée par le gouvernement et voulue par le gouvernement et puis après au-delà par l'Europe. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en France, ça s'est passé un peu partout en Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement chez les cheminots, à la SNCF ? Alors, concrètement, à la SNCF, il y a depuis 2014, depuis la réforme du statut des cheminots, il y a la mise en place d'une nouvelle organisation de travail qui se nomme le décret socle. Et qui ressemble étrangement à la loi travail, c'est-à-dire réduire au minimum nos conditions de vie sociale et puis qu'on soit une force d'outils permanente et disponible à l'entreprise. Donc on va casser notre RH 0117, c'est un décret socle qui a été élaboré depuis longtemps et qui a été renégocié en 99 et qui nous garantit un minimum. Avec ce décret socle, on n'aura plus de minimum, quoi. Ou alors, ça sera des conditions de travail épouvantables. Il y a un lien effectif entre cette loi travail et ce décret socle ? Le lien, il est sur le fait que ce décret socle, qui sera au minimum, peut être compensé par tout un attirail de principes administratifs. Qui sera soit une convention collective, soit des accords d'entreprise. La loi El Khomri permet, dans un de ses articles, que les accords d'entreprise peuvent être beaucoup moins favorables à une convention collective. Et c'est en quoi c'est important que nous, on se batte et pour notre décret socle, et aussi contre la loi du travail. Et puis en même temps, la loi du travail, dans ma vie et dans notre vie de cheminot, on est confronté à des gens qui travaillent aussi à l'extérieur. On n'est pas que des cheminots quoi, qui vivent qu'entre cheminots. On est des cheminots qui vivent dans une société. Et voilà, on côtoie des gens qui vivent dans le privé. Et puis on a aussi des enfants. Et oui, on se reproduit, les cheminots. Et du coup, ces enfants-là, ils seront amenés, pas forcément à être cheminots, mais à être un travailleur ou pas, suivant comment il va évoluer cette histoire de Nuit Debout. Mais en tout cas, on aura des gens, des enfants et des familles qui seront aussi, contraints par cette loi-là. Alors, toi, tu es en grève. Tu es en grève depuis quand? Et comment elle se passe, la grève, pour toi, de manière concrète? Alors moi, je suis en grève reconductible depuis le 18 mai. J'ai eu plusieurs jours de grève depuis le 9 mars. Comment ça se passe? Eh ben, on essaye de faire vivre la grève en créant un comité de grève. On a créé un comité de grève sur là où je travaille. Et on s'organise en faisant un piquet de grève, déjà tous les matins à 6 heures. En sortant des brochures ou des tracts que l'on diffuse aussi bien auprès de nos collègues de travail salariés que des usagers qui prennent le train pour leur expliquer pourquoi on est en grève. Et je tiendrai à ce sujet que les usagers ils sont assez contents et réceptifs de ce qu'on leur montre comme support. Et ils nous comprennent largement parce qu'eux aussi au quotidien ils vivent des conditions de transport qui sont abominables et ils savent très bien qu'aujourd'hui le système ferroviaire il arrive à bout de souffle et qu'il faut faire quelque chose quoi, et que la responsabilité évidemment n'est pas aux cheminots de ce système à bout de souffle mais de ceux qui organisent les transports et donc du coup l'État quoi, directement. Alors moi, pour rien te cacher, je suis un peu surpris et très content de te rencontrer là sur la place de la République, parce que c'est vrai que le 10 mai, il y avait un appel à la grève à la SNCF, et je m'étais rendu sur la gare de Montparnasse, et les mots d'ordre n'étaient pas du tout autour de cette fameuse loi, et ils étaient très, très corpaux. Je pense que ça va venir. S'ils ne sont pas dans cette position-là pour l'instant, ce n'est pas très grave parce que l'important, c'est qu'ils soient aussi en mouvement, qu'ils soient aussi dans l'action. Mais je ne dis pas que tous les cheminots sont dans l'action. Hein, moi, je suis dans l'action, mais on est une grande majorité à ne pas l'être encore, comme une grande majorité de salariés n'est pas dans l'action contre la loi travail. Donc voilà, c'est un mouvement qui se construit petit à petit et peut-être qu'il va s'essouffler, je ne sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une grande majorité de gens qui prennent conscience et c'est aussi pour ça que moi, je suis sur la place de la République. Tu disais que tu étais en reconductible. Alors qu'est-ce que ça signifie, être une grève reconductible ? Ça signifie que la grève est votée tous les jours en AG, en Assemblée Générale, de grévistes et elle est reconduite jusqu'au lendemain. Voilà, ça signifie que pendant cette AG, il y a des débats. On essaye d'expliquer, les gens peuvent prendre la parole, un peu comme à Nuit Debout, en AG, les gens discutent, prennent la parole, ils viennent s'informer de ce qui se passe, dans leur établissement, sur leur lieu de travail ou de ce qui se passe en France. Ils viennent s'informer de ce qui se passe aussi chez les autres salariés quand c'est une grève interpro, comme ça se dessine un peu en ce moment. Et à partir de là, ils prennent position, à savoir si oui ou non, eux, ils votent pour le lendemain ou pas. C'est pas un chef qui va leur dire tu fais ça, non c'est eux, par rapport à l'information qu'ils ont. Alors aujourd'hui on est le 81 mars ou le 20 mai. Ça va être quoi la suite pour toi de manière concrète dans cette grève reconductible? Comment tu sens la température en ce moment? Je l'imagine la mieux possible, la plus longue possible et qu'elle aboutisse. En tout cas, moi, je suis déterminé pour que ça aille jusque-là. Après, je ne me fais pas trop de films sur demain. C'est un moment important dans ma vie à moi et un moment de partage que j'ai. Et c'est des moments uniques et c'est des moments que je savoure chaque fois. Et moi, j'invite tous les gens à savourer ces moments-là parce que c'est des moments de pur partage où il n'y a pas de triche dans ces moments-là. Voilà, on est à poil devant l'histoire, quoi. Comment elles se passent, les AG? Ça se passe bien. Elles sont composées de qui? Elle est ouverte à d'autres corps de métier, des étudiants, des hospitaliers, des postiers. Ce matin, il y avait un éducateur spécialisé dans le ministère de l'Intérieur, donc il s'occupait des jeunes, entre guillemets, j'aime pas ce mot-là, mais des jeunes qui sont un peu coupés de la société. Et donc c'est ouvert. Par contre, le vote, c'est uniquement les gens grévistes et cheminots. Et c'est un vrai lieu de prise de parole où on dit ce qu'on peut dire. Alors on le dit plus ou moins bien, mais c'est ça qui est pas très... C'est pas gênant, ça. Ce qui est important, c'est de le dire. On le dit de la façon qu'on a envie de le dire, avec des mots plus ou moins propres, des mots plus ou moins... mais voilà, on le dit, quoi. Voilà, c'est ça qui est... Bon, à mon avis, c'est ça le fondamental d'une AG. C'est quoi les prochaines dates pour vous? Les prochains rendez-vous importants? Alors, les prochains rendez-vous importants, j'ai pas vraiment un calendrier dans la tête. Je crois que le 24 mai, je sais pas quand est-ce, mardi peut-être. Je sais pas, ouais. Je serais pas de dire les moments importants. En tout cas, nous, on est en AG, on a une diff pour les usagers et avec les étudiants lundi matin. à partir de 7h. Donc on va retrouver les usagers et les étudiants. Après, on sera en AG. Avant ça, on a notre comité de grève. Dans notre comité de grève, on a des comités diffusion, tract, action, caisse de grève et compagnie. Voilà. Et voilà. Et puis demain, on fait un... Alors, je ne sais pas si je dois le dire. Non, je ne le dis pas. Qu'est-ce que je voulais te poser comme question? Je sais plus. Non, c'est déjà bien. On a fait un petit tour sympathique. Il y avait quelque chose que tu voulais rajouter? Moi, je voulais remercier toutes les personnes qui agissent sur du debout, aussi bien Radio Debout, TV Debout, tous ceux qui préparent à manger, tous ceux qui sont là et en permanence, qui sont déterminés. Et qui font commission sécurité aussi, sérénité pardon. Je trouve que c'est bien pour justement montrer que sur la place de la République, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de gens énervés, il n'y a que des gens qui ont envie de parler, c'est la société qui est là, avec ses diversités et peut-être ses oppositions, mais elle est là quand même. Et elle est là, elle se supporte très bien. En tout cas voilà, et donc je trouve ça très bien ce qui se passe ici. Moi, je tiens à remercier tous ces gens-là qui font vivre ça, et je trouve ça vraiment très bien, quoi. Merci à vous. Nous venons d'entendre Philippe Cheminot interviewé par Karim, Philippe qui a donc débrayé. Nous sommes avec Cédric Durand, bonsoir, et Antoine Chao. Antoine, un petit bonsoir. Bonsoir. Voilà. Alors, il semble là qu'en France, eh bien, il y ait des syndicalistes qui bloquent certains points stratégiques, donc des raffineries. On entendra tout à l'heure un docker qui est également, a également débrayé, un docker intérimaire. Cédric Durand, est-ce que finalement ces actions, hein, qui sont une tradition du syndicalisme, des actions un petit peu directes, coup de poing comme ça, est-ce que ça a un impact direct sur l'économie ? Ah oui, oui, là on le voit tout de suite, le blocage des raffineries. Et cette fois-ci, comme était en 2010, le point principal par lequel la pression économique monte. Hein. Et ça va pour rien que tout de suite Manuel Valls a menacé de faire intervenir la force, parce qu'il sait bien qu'il a là se joue une bataille très sérieuse. Mais la grève est un droit. Hein. La grève est un droit. L'ensemble des grèves sur les raffineries sont des choses qui pèsent, sont complètement légales du point de vue constitutionnel, sont gagnées de longue date par le mouvement ouvrier. Et c'est, on voit c'est dans les moments comme ceci que ces conquêtes sont vraiment importantes. C'est-à-dire l'histoire est vivante dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Les formes que prennent les luttes aujourd'hui sont aussi le résultat, hein, d'une série d'expériences, de rapports de force passés qu'on peut activer. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, on remarque en ce moment que c'est la ligne dure de la CGT qui semble gagner du terrain, la ligne dure. On l'avait vu aussi un peu pendant le mouvement des retraites, c'était également cette ligne dure à un moment qui avait repris le flambeau avant de le laisser choir. On peut donc se demander pourquoi est-ce que tout d'un coup la CGT reprend cette ligne-là, maintenant ? Alors que la loi est passée. Hein. Oui. Parce que je pense que les syndicalistes de la CGT, mais comme beaucoup d'autres gens qui sont mobilisés, sont déterminés à bloquer par tous les moyens possibles cette loi. Hein. Et donc on fait un peu avec ce qu'on a. Hein. La lutte sociale, c'est aussi quelque chose qui se fait de bric et de broc, c'est-à-dire avec les ressources qu'on a disponibles. Si aujourd'hui la question des raffineries est si importante, c'est parce qu'elle est stratégique et qu'elle met directement une menace économique sur le gouvernement, donc directement une pression. Mais à d'autres moments, d'autres secteurs ont pu jouer ce rôle-là. Hein. Par exemple, en 1995, ce qui a été déterminant, c'était les grèves des cheminots. Il y avait des manifestations gigantesques, mais les grèves des cheminots ont accentué la pression économique. À d'autres périodes, c'était une grève qui était beaucoup plus massive dans beaucoup plus de secteurs. Hein. En 68, il y a eu une grève générale qui a duré des semaines et qui, là, a paralysé l'économie. Alors qu'est-ce qu'on voit dans la séquence actuelle ? On voit que finalement, on a du mal à reconstruire les mêmes rapports de force de grève qu'on avait il y a une trentaine, une quarantaine d'années. Donc c'est beaucoup plus dur de mettre la pression sur le patronat et sur le gouvernement de cette façon-là. Mais est-ce que c'est grave que le mouvement soit désynchronisé ? Parce qu'on peut voir ça finalement. Il y a à la fois la nuit debout peut-être va s'effilocher, c'est dur de tenir une place longtemps, on voit de nouveau une ligne dure du côté des syndicats reprendre du poids. Est-ce qu'on peut imaginer comme ça que le mouvement soit désynchronisé, mais qu'en même temps, il puisse maintenir une expérience un peu collective, un mouvement ? Alors, vous n'êtes pas prophète. D'abord, je ne suis pas prophète. Et puis, l'autre chose qui est tout à fait juste, c'est qu'il n'y a pas d'énergie sociale perdue. Hein. Il n'y a pas de lutte sociale qui est perdue. C'est-à-dire, même lorsqu'on est défait partiellement, on a appris des choses, des collectifs se sont constitués, il y a une expérience qui s'est... Et ça compte, ça pèse durablement. Ensuite, la synchronisation, ça compte aussi. Hein. Être capable de s'organiser, d'être synchronisé, gagner, c'est des choses aussi qui comptent pour des périodes longues. Donc, il faut on au maximum. On l'a vu en Espagne ou simplement en Grèce. On a vu que c'était parfois... on n'a pas eu de grève générale, on a eu des grèves sectorielles. Oui, non. Bon, voilà, il y a des moments où tel secteur est plus en avance, d'autres ne peuvent pas, bien sûr. Mais d'une façon ou d'une autre, frapper ensemble, c'est quand même important. Hein. Donc dans la séquence, rêvons un peu. Là, il y a une séquence qui s'ouvre devant nous. Rêvons un peu. Dans cette séquence, qu'est-ce qui serait important? C'est que à la fois, ces secteurs en grève dure réussissent à tenir suffisamment longtemps, que pour des raisons autres, d'autres luttes se rajoutent. C'est notamment la question des cheminots et des statuts qui fait que même une partie des syndicats hostiles qui ne sont pas sur la ligne retrait de la loi travail puissent rentrer dans le mouvement sur un autre mot d'ordre. Mais c'est parti près de cette ambiance-là. Et puis bien sûr, des manifestations encore qui soient très massives. Mais avec ces choses-là, hein, il faut pas, la victoire n'est pas si loin. Aujourd'hui, le gouvernement est extrêmement faible. Il n'a plus de majorité. Et donc, il faut appuyer tant qu'on peut, quoi. Alors justement, nous allons appeler tout de suite un docker intérimaire. Et on sait bien que pour les intérimaires, c'est d'autant plus difficile de se mettre en grève. Ils sont souvent remplacés sur le piquet de grève. Bien que ce soit interdit, c'est un fait, on le sait. Nous allons donc immédiatement appeler un docker et c'est Antoine qui va passer le coup de fil. Allô, allô? Oui, bonjour. Alors, comment ça se passe? Bah, ça se passe, hein, comme un mouvement de grève en ce moment. Alors, vous êtes où exactement? Au Havre, hein, c'est ça? Alors, voilà, moi, je suis du Havre, oui, je suis là, donc, bâti sur le port du Havre. Et donc, nous sommes actuellement en mouvement contre la loi du travail, depuis maintenant quelques semaines. Et vous voilà. Bloquez depuis quand, alors? Alors, depuis quand, c'est un grand mot, parce que ça fait déjà un petit bout de temps. Nous, on a des journées vraiment où on est en 24 heures de grève sur le port. Donc, où vraiment le port du Havre est inactif pendant 24 heures. Et aussi, du coup, on n'est pas les seuls sur le Havre, il y a aussi la raffinerie Total qui est en mouvement et bien d'autres sociétés, GPMH, Sidel, RCL, voilà, différentes sociétés sur le Havre, vraiment, on nous bloque sur des points précis, vraiment pour empêcher les citoyens de passer, de voilà. Il faut vraiment que ça fasse bouger les choses, que tout le monde soit concerné par le mouvement. Du coup, on bloque sur les points stratégiques. Et les transporteurs ont obtenu déjà quelque chose. Vous pensez que ça peut être une brèche qui est ouverte là sur la loi El Khomri? Pour l'instant, oui, ça fait beaucoup parler là, le fait d'avoir de nombreux blocages, surtout là avec le mouvement de Total. La pénurie d'essence qui se fait dans maintenant sur une grosse partie de la France et là ça va devenir au niveau national. Maintenant il y aura plus voilà, tout le monde va être concerné par le blocage et au bout d'un moment oui le gouvernement n'aura pas le choix de se remettre en question sur cette loi. Alors là c'est le blocage allez-y. Genre aujourd'hui c'est ce qu'on veut quoi, c'est vraiment que le gouvernement nous écoute et se remette en question par rapport à ça. Alors là, les blocages commencent à porter leurs fruits. Hein. Donc en Bretagne, en Normandie, il y a vraiment des problèmes de ravitaillement en carburant. Vous êtes directement lié justement aussi au blocage du carburant ou pas sur le port? Oui, moi j'étais encore présent personnellement vendredi dernier donc à la raffinerie Total au Havre pour bloquer encore l'accès à la raffinerie, l'accès à la zone industrielle. Après, voilà, depuis vendredi, Total France a pris la décision de vraiment arrêter les raffineries. Donc voilà, c'est une question de livraison, c'est aussi carrément une coupure de production. Donc là, vraiment, ça va être une grosse pénurie qui arrive, là, qui a bien commencé, qui s'est bien entamée. Et pour l'instant, on ira que dans ce sens, tant que les décisions ne seront pas prises envers les citoyens qui protestent cette loi. On est avec un économiste, là, avec Cédric Durand. Je vais vous le passer, vous allez discuter un peu. Oui. Bonsoir et bravo d'abord hein, pour votre action qui est absolument formidable et essentielle pour nous tous. J'aurais... Bah oui, ça doit toucher tout le monde, je veux dire, faut se sentir concerné. C'est même plus une question de syndicaliste ou autre. Maintenant, c'est une question de, voilà, on se sent concerné par cette loi ou non. Moi je vois sur les blocages, j'ai des amis, voilà, ils sont même pas syndicalisés, rien du tout, mais ils sont concernés et ils sont avec nous pour nous soutenir dans ce mouvement et tout le monde se sent concerné dans tout ce qu'il faut. Donc tout le monde se sent concerné, syndicaliste ou non, c'est même une question de syndicat ou autre, c'est vraiment une question voilà, de français, c'est pour nous. Et alors, il y a quelque chose qui, moi, que j'admire beaucoup dans ce qui se passe au Havre, c'est que j'ai l'impression que vous avez réussi à vous coordonner entre différents secteurs, les étudiants, les raffineries, le port. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ça, nous dire concrètement comment comment ça se fait que vous avez réussi à avoir cette capacité d'action, cette puissance de frappe qui est une des plus avancées aujourd'hui dans le mouvement à l'échelle de l'Hexagone? Oui, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Après, voilà, ce que je vais vous dire, maintenant, c'est simplement pour mon point de vue à moi, qui n'engage que moi. Moi, pour moi, le Havre, voilà, on est vraiment un point économique pour la France. Je pense qu'il y a une grande partie qui le savent. Il y a beaucoup de gens qui ignorent que, voilà, qu'avant, le Havre a cette importance sur la France. C'est avant. C'est le premier port français, le premier port français. Hein. Et voilà, ouais. Faut pas oublier que si le Havre se met en action contre des mouvements comme ça, ça va impacter pas que le Havre, on va pas juste bloquer le Havre, on va aussi bloquer la France. Parce que d'une, avec le port du Havre, qui est voilà le premier port français pour l'économie, si nous on décide d'avoir des mouvements de grève, bah, c'est pas uniquement le Havre et ses alentours qui vont en pâtir, mais ça va être bien sûr toute la France, parce qu'il faut pas oublier que le Havre c'est le premier port de France et puis du coup le premier port de Paris. Et puis du coup, nous, dès que ça bouge, c'est main dans la main. C'est pas juste une société se bouge et on est coordonné là-dessus. Le Total se sent mobilisé, donc du coup, c'est vraiment tout qui est bloqué dans ce sens-là. Ouais. C'est vraiment une fraternité qui se passe, parce qu'en plus, toutes les branches entre guillemets fonctionnent avec. Nous, on est en mouvement mardi dernier, vraiment sur le port du Havre. Grève de 24 heures, logiquement mercredi je pouvais totalement travailler, et là c'était les abeilles à grève, donc les remorqueurs c'était eux en grève. Du coup, si eux sont en grève, nous aussi on va être en grève, parce qu'on ne doit pas travailler. Mais voilà, c'est vraiment, ça m'a vraiment content. Merci et bon courage. Et de toute manière, on retrouvera un de vos camarades là qui est à Verne aussi et qui fait un blocage de dépôt de pétrole. On se retrouvera tout à l'heure, merci et bon courage. Merci infiniment. Y a l'État français, y a nous les ouvriers. Combien d'argent nous pique? Alors, si on modifie le code de travail, on va devenir quoi? Parce que déjà, il a tous les droits. Alors, il a son système style Franco, parce que moi, j'ai vécu un peu à l'époque de Franco. Alors, quand un grottier, il n'est pas de son, qui ne va de son côté, il émet déjà la grue la plus petite et la plus vieille. Après, il le marginalise de toutes les façons qu'il peut. Il empêche à garer sa voiture à l'intérieur de l'entreprise, ou sa moto, par exemple. Et les voyant, il ne pas les faire sortir loin. Actuellement, c'est en guerre depuis 3-4 mois, parce qu'il dit basta, ça ne peut pas continuer comme ça. Les autres, ils font ce qu'ils veulent. C'est de l'âge, ils laissent les bottes au patron, ils les laissent même, ils se descendent les pantalons devant le patron. J'ai aussi l'expérience de voir. Que un collègue de travail, si j'allais parler avec pour mon salaire al patron, 7 heures del soir, dans la semaine, il arrive un grutier qui venait de faire peut-être 12 heures de boulot, payé 8. Il vient au bureau, le patron demande, vous voulez quoi? Il me dit, c'était pour vous dire bonsoir, parce que je viens d'arriver. Il dit, ok, merci. Alors, si vous trouvez qu'avec ça, avec des gens comme ça, on peut aller à quelque part. Il y a autre système aussi très, très facile, cette entreprise, c'est, par exemple, chaque fois que part quelqu'un, j'ai rien contre les Portugais, mais il va chercher des Portugais là-bas, qui ne parlent même pas français, payer moitié, payer le prix qu'il veut, parce que c'est lui qui fait la loi. Alors, ça fait que plus de la moitié de l'entreprise, c'est des Portugais. Pourtant, j'ai rien contre eux. Mais, salaire à moitié prix, qui fait sa gueule, il fait 12 heures par jour, c'est pas tous les jours qu'il va trouver ici en France. Alors, il a son système. Les chefs d'exploitation, c'est un Portugais. Alors, il n'y a pas longtemps, je lui ai dit, écoute, tu te crois qu'ici c'est le Portugal ou quoi? Moi, je suis né ici en France. Je lui ai dit, me fous que tu sois né en France. Je suis plus français que toi. Mais etc, etc. Mais je pourrais vous raconter sans arrêt. D'un coup, j'ai mis mon patron, j'ai mis le prud'homme. Je suis convoqué le mois prochain. Je demande résiliation de mon contrat pour ne respecter pas de mon contrat. Il y a des choses qu'il y a marquées dans mon contrat et ne me les paye pas. Alors, je peux profiter pour me faire virer parce que je, pour travailler en ces conditions, je préfère être au chômage. C'est la mafia. Mais si actuellement, avec les codes actuels, vous imaginez si ça change, qu'est-ce qu'on va devenir en France? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Enfin. République, Vous écoutez Radio Debout. Radiodebout.net. République. Radio Debout est consacrée ce soir aux grèves, aux travailleurs. Et on a pu entendre, là, à l'Assemblée Générale, également un travailleur qui parlait de ses conditions de travail, de son impossibilité à négocier ses contrats et puis évidemment de la concurrence entre les travailleurs depuis la directive Bolkestein. Nous sommes toujours avec Cédric Durand et Antoine Chao qui refusent obstinément de se saisir de son micro. C'est la grève du micro ? Pas du tout. Bon, tant mieux. On serait bien embarrassés sinon. Alors là, donc, on a fait le point avec un premier docker. Nous allons bientôt retrouver donc quelqu'un qui est en train de bloquer également un dépôt donc de pétrole. Peut-être que vous pourriez nous dire, Cédric Durand, comment est-ce qu'on peut immobiliser tout à coup le territoire ? S'il fallait comme ça avoir quelques points stratégiques, lesquels cela pourrait être ? Alors, le premier point, c'est bien sûr les transports. C'est ce qu'on voit. Hein. Transport, c'est à la fois les transports routiers, les transports ferroviaires, les transports maritimes et le carburant qui fait interagir tout ça. Ça, on voit que finalement, il y a des points forts syndicaux là-dessus. Il y a des équipes capables de mener des batailles là-dessus. C'est un point évidemment essentiel. Mais il y a d'autres secteurs qui aujourd'hui sont moins bien organisés et qui pourraient jouer un rôle très important. En particulier... un point essentiel, ce sont les plateformes logistiques. Aujourd'hui, il y a énormément d'emplois dans la logistique. Et il faut savoir que le commerce, hein, c'est le premier secteur qui emploie des salariés en France. Le commerce, bien sûr, les gens dans les magasins, mais c'est aussi la logistique qui va derrière, en grande partie, plus la logistique industrielle. Cette question de la logistique est absolument centrale. Hein. Bloquer la logistique, c'est bloquer tout le grand commerce et c'est mettre la pression directe sur le secteur industriel. Aux États-Unis, il y a une série d'actions syndicales qui ont été prises précisément en direction de ces centres de logistique, pour construire des plateformes et être capable de gagner des grèves. Et il y a eu des gains sectoriels, hein, ce n'est pas déployé dans le cadre d'un mouvement national, mais il y a eu des gains sectoriels suite à ces efforts d'organisation. Parce que des gains en termes de contrat de travail, de salaire. De contrat de travail, de salaire, exactement. Parce qu'en fait, le mouvement ouvrier, les salariés, ils ont deux forces. Hein. Leur niveau d'organisation, dans quelle mesure, et leur pouvoir de nuisance, c'est-à-dire le pouvoir de bloquer. Hein, ce qu'on appelle le pouvoir structurel, hein, et le pouvoir associationnel. Eh bien voilà, hein, aujourd'hui, il y a du pouvoir associationnel qui est affaibli, les syndicats sont en retrait, il y a du pouvoir structurel qui est affaibli, parce qu'on n'a plus les mêmes chaînes qu'on avait auparavant, mais il y en a des nouvelles formes de pouvoir structurel qui existent. La logistique que j'évoquais à l'instant, et on pourrait aussi évoquer autre chose, où là on est encore très en retrait, mais tout ce qui concerne les télécommunications, et plus précisément tout ce qui est les réseaux informatiques, bon, là il y a aussi un point extrêmement important. Mais on a vu assez peu de grèves hein, du côté des services, on en a vu un petit peu chez nous, ça une période, mais finalement dans le service, il y a peut-être moins une tradition de grève. Bien, une des raisons, c'est que ce sont des nouveaux secteurs, donc avec des nouvelles entreprises, ou des filiales d'anciennes entreprises, mais qui du coup sont avec des nouveaux contrats, et donc un pouvoir syndical, un pouvoir associationnel qui est bien plus faible. Bien plus bas. Voilà, donc c'est une histoire qui aussi, quand j'évoquais l'histoire tout à l'heure, l'histoire est là. Voilà, il n'y a pas eu de transmission, il n'y a pas eu de position acquise. Eh bien, très bien, nous allons donc retrouver Hugo, qui a participé donc à un blocage mercredi, donc d'un dépôt pétrolier à Verne-sur-Seiche. Salut Hugo. Allô Hugo, on t'écoute. Ouais. Ouais, alors racontons un peu. Donc il y a eu un blocage, c'est ça, qui s'est terminé. Ça en est où la situation ? Il y a eu plusieurs blocages. On a eu un sur la rocade sud, sur la rocade route de Lorient, près du stade Rennais, qui s'est terminé par un délogage des forces de l'ordre. Et il y a eu un autre blocage dans des raffineries, dans une raffinerie à Donge et dans un dépôt à Verne, pas loin de Rennes. Et donc il y a eu plus de 70 stations totales à sec pendant 2-3 jours. 70 stations sur une même zone hein. Ouais, Rennes avait pratiquement plus d'essence en gros. Et dans les alentours aussi pareil. Alors Hugo, donc, pour vous c'était un peu une première fois, vous n'étiez pas syndicalisé, vous n'êtes peut-être pas toujours d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi tout d'un coup vous vous êtes enrôlé dans ces blocages ? Eh ben, en gros, le 49-3 m'a dégoûté violemment. De base, c'était la loi du travail, que je trouve plutôt affreuse et qui promet des choses pas très intéressantes pour notre pays. Et le 49-3, c'était assez antidémocratique, donc ça m'a énervé au plus haut point, donc je me suis senti obligé de sortir dans la rue. Et quand j'entends qu'il y a 70% des Français qui apparemment seraient contre la loi du travail, je m'attendais à avoir plus de monde dans la rue, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et vous, vous êtes intérimaire, hein, c'est bien ça? Je suis intérimaire. Non, je suis en formation. En formation. Actuellement. D'accord. Je suis en formation et donc elle finit début juin. Donc là, je vais aller la reprendre parce que je vais éviter de la rater, même si je préférerais arrêter ce que je suis en train de faire pour pouvoir être dans la rue. Mais bon, je peux pas non plus tout lâcher, quoi. Et vous avez suivi un peu le mouvement Nuit Debout? Il y a eu comme ça des mobilisations dans votre secteur en Ille-et-Vilaine? Il y en a eu un peu, mais non, moi je l'ai pas suivi de près. J'étais pas là à ce moment-là. J'étais plutôt en entreprise, donc je pouvais pas trop aller faire des nuits blanches parce que par rapport à la formation, encore une fois, c'était un peu compliqué. Donc non, je l'ai pas suivi. Mais et quelle vision vous en avez, vous, depuis l'Ille-et-Vilaine, justement, de ce qui est en train de se passer ou de ce qui s'est passé place de la République à Paris? Ça vous sentiez concerné? Ouais, je me sentais concerné. J'aurais préféré pouvoir y être et aller voir ce qui s'y passe. Je pense que c'est intéressant. Après, est-ce que réellement il y a des mouvements qui se créent, il y a des actions qui se créent par la Nuit Debout? Je ne sais pas. Je suis pas au courant. J'espère que oui et que ça va pouvoir motiver le plus de monde possible pour essayer de faire quelque chose, quoi, de militer, de s'engager dans des mouvements, quoi. Après, je suis pas trop pour la violence de base. Je préfère les choses plutôt positives et plutôt pacifiques dans l'idée. Et plus que d'être contre quelque chose, je préférerais être avec. Et donc, je pense que le boycott et les grèves, c'est peut-être plus intéressant plus intéressant. Ce serait aussi pertinent que d'autres actions, quoi. Et ça vous motive pour vous engager dans un mouvement, dans un syndicat, dans un parti? Bah, pour l'instant, je connais pas tout ce monde-là et du peu que je connais, je me sens pas représenté. J'ai pas l'impression d'appartenir à quelque chose et je me sens pas dans l'envie d'appartenir à quelque chose de précis. Pour l'instant, Mais peut-être que dans l'avenir ça changera, mais pour l'instant non. Je préfère pouvoir être partout à la fois, entre guillemets, et pas avoir à me soucier d'un parti ou d'un idéal ou quelque chose comme ça. Hugo, en même temps, si vous avez tout d'un coup bloqué ce dépôt, c'est bien que vous aviez un idéal. Non, c'est pas vraiment un idéal. C'est j'ai plutôt une envie de servir à quelque chose que les choses bougent. Après, je lis pas dans l'avenir, donc je pense que l'idéal est inatteignable. Ça peut éventuellement donner une direction, mais j'ai envie de me sentir utile. Et voilà. La réalité là était inacceptable, c'est ça? La réalité que vous viviez là était inacceptable. Ouais, je pense, ouais. Après, je sais qu'il y a bien pire ailleurs, hein. Il y a des endroits où, quand on manifeste, on se fait tirer à balles réelles. Et d'autres choses bien pires, mais, inacceptable, c'est peut-être fort, mais ouais, il y a un côté comme ça où d'habitude, il nous défait qu'au visage. Quand je dis le gouvernement, il nous défait qu'au visage, mais ça reste assez subtil. La pilule passe. Là, c'est vrai que c'est assez, tout à fait affirmé et donc je trouve qu'ils ont un sacré culot et là, je pense qu'ils dépassent les bornes, quoi. Merci beaucoup, Hugo. Bon courage pour la suite de votre formation et puis peut-être à d'autres blocages. Ouais. Et puis vous, merci pour ce que vous faites et surtout ceux qui écoutent, lâchez rien, hein. On lâche rien et puis continuez les mouvements. Faut être sur tous les fronts, hein. On peut vraiment acter de plein de manières différentes. Donc moi c'est tout récent, je vous le souhaite aussi et au plaisir. Merci Hugo, on reçoit vos encouragements sur Radio Debout. Merci. Au revoir. Vienne le printemps. On peut voir sur YouTube l'entretien réalisé en 2012 par François Ruffin, le réalisateur de Merci Patron, d'un courtier du Crédit Agricole, présenté comme l'un des plus importants d'Europe, qui livre ses prédictions pour le quinquennat à venir. Tandis que « Moi, président » nous sert sa célèbre rodomontade du Bourget sur « Moi, mais pas encore président, mon ennemi, c'est le monde de la finance », le financier, qui en connaît visiblement plus long, explique, sans effet de manche, en déroulant la logique implacable des marchés, dans un sourire déroutant de bonhomie, comme s'il compatissait aux propos un peu bébêtes du candidat socialiste destiné autant à satisfaire son auditoire qu'à se donner à ses propres yeux une image flatteuse et plus conforme à l'idée qu'on se fait d'un homme de gauche, que quelles que soient ses envolées mitterrandiennes empruntées au congrès d'Épinay et à la rupture avec le capitalisme, le même, une fois élu, ne pourra faire autrement que se plier aux lois d'airain des marchés. Et que vont exiger du nouvel élu les dites lois ? Qu'il en finisse avec le col du travail et sa clé de voûte, le CDI. On peut imaginer le même financier aujourd'hui, presque navré de triompher aussi facilement, sans avoir même eu besoin de combattre, puisque c'est moi, président, et son maire du palais qui se sont chargés, comme annoncé, de la sale besogne, lui ne pouvant même pas se prévaloir d'un don de voyance, tant il lui paraissait comme une évidence qu'il n'existait pas d'autre voie possible, la loi El Khomri ne venant que confirmer ses étonnantes prophéties de 2012. Est-ce à dire que le monde serait régi selon des principes mathématiques où 2 et 2 font 3 pour ceux qui travaillent, en fait de moins en moins 3, et 5 pour ceux qui font des profits, mais beaucoup plus que 5 bien sûr? Mauvais karma, le monde livré au marché? Ce qu'on oublie et ce qu'avoue notre courtier, c'est que ce monde de la finance a peur. De quoi? D'un lanceur d'alerte. De sorte que, très logiquement, l'asile fut refusé à Snowden et que les procureurs luxembourgeois cherchent à condamner les dénonciateurs de LuxLeaks. De la transparence des flux financiers, mais surtout, surtout, le courtier le concède, perdant soudain sa tranquille assurance du soulèvement des peuples. On comprend alors que les masses sont ces bons gros géants se laissant marcher sur les pieds par les adorateurs lilliputiens du veau d'or, qu'il leur suffirait de se lever pour qu'aussitôt cesse le pillage de leur vie. Ce qui s'est vu, ce qui porte un beau nom, le printemps des peuples. Jean Rouault. Vous venez d'entendre une poésie lue, une petite réalisation qui a été faite par Sophie, et donc des textes écrits par Jean Rouault pour Nuit Debout. Nous sommes toujours avec Cédric Durand et Antoine. Cédric Durand, cette loi, elle n'est pas tombée du ciel. Le gouvernement n'a pas décidé comme ça, tout d'un coup, de mettre en place cette loi simplement pour satisfaire, on va dire, le MEDEF seulement en France. Il y a un cadre européen. Absolument. On est dans une situation européenne dramatique parce que la crise que nous subissons, la violence de cette crise est en grande partie le résultat d'une bêtise absolue et d'un aveuglement d'intérêts de classe étroits. Je vais essayer d'expliquer ça de manière schématique et je pense que c'est finalement assez simple. Après, la finance a pris un poids démesuré et a entraîné le choc que l'on sait. On a choisi de la sauver. Ça, c'est la première chose. Sauver les banques. 2009, sauver les banques, sauver le système financier, ne rien toucher à ses principes organisateurs. Donc on a décidé qu'il allait falloir se débrouiller en restant avec ça. La priorité a été, pendant toute cette période-là, la stabilité financière. Au même moment, il y avait une destruction sociale majeure. Ça n'a jamais été la question centrale tout au long des 5 dernières années. Au contraire, la réponse qui a été apportée, c'est que pour amortir les chocs venus du monde de la finance, il allait falloir améliorer sa compétitivité. Alors ce mot, ça vaut la peine de s'arrêter une seconde dessus. Compétitivité, c'est vraiment l'idée de compétition. Il faut être meilleur que les autres. Le problème de la compétitivité, quand vous faites ça dans une économie qui est extrêmement liée comme celle de l'Europe, c'est que vous faites les peuples les uns contre les autres. C'est la guerre des peuples les uns contre les autres. Les travailleurs moins chers. Exactement. Pour faire simple, dans les années 90 les travailleurs et 2000, les travailleurs en Allemagne ont subi une immense défaite. Ils avaient des accords collectifs de branches qui ont été cassés petit à petit avec les entreprises en sortant. Exactement ce qui est en train de se discuter aujourd'hui pour la loi El Khomri, à faire en sorte que les entreprises puissent sortir des accords de branches. C'est ça qui s'est passé. Le résultat, ça a été pendant 10 ans une stagnation de salaire. Et un contexte où le syndicalisme a été affaibli, à part dans quelques bastions très importants, et où s'est développé tout un volet de travailleurs pauvres. Sur cette base-là, l'Allemagne est devenue hyper compétitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, elle produit 9% de son PIB qu'elle ne peut pas consommer elle-même, qu'elle fait consommer aux autres. Ces 9%, qui c'est qui les consomme? Eh bien, ce sont les autres pays. Mais les autres, ils le consomment en s'endettant auprès de l'Allemagne. Donc vous voyez le mécanisme qu'on a. C'est qu'en gros, les pays hyper compétitifs exportent leurs marchandises, mais ils exportent aussi de l'argent qu'ils prêtent aux pays moins compétitifs qui deviennent endettés. Et là, qu'est-ce qu'on a voulu nous dire? C'est que pour résoudre cette crise qui était née de ces déséquilibres intra-européens, il allait falloir devenir aussi compétitif de l'Allemagne. Du coup, partout, hein, en Grèce, en Espagne d'abord, maintenant en France, il faut regagner la compétitivité. La compétitivité, pour la regagner, c'est simple. On nous dit, il y a des mots compliqués, le dualisme du marché du travail, etc., etc. Non, le seul enjeu, c'est le coût du travail. Et, alors, on joue sur différents leviers, la durée du travail, l'intensité du travail, le niveau de protection sociale. Mais tout ça se résume à une variable, du point de vue de la compétitivité, c'est le coût du capital, le coût du travail. Et donc, voilà, ces réformes visent à faire baisser le coût du travail pour regagner en compétitivité. Le drame, je finis avec cette idée, c'est un petit peu long, mais le drame, c'est que cette réduction du coût du travail, cette austérité généralisée des finances publiques, mais aussi austérité salariale, se traduit par un écrasement de la demande. Donc aujourd'hui, l'Europe est excédentaire, l'Europe produit beaucoup plus qu'elle ne peut consommer, et par conséquent, les marges des entreprises diminuent parce qu'il n'y a pas assez de débouchés, et donc l'économie est plombée. On est dans une stagnation qui fait que, si on compare par rapport à la crise de 1929, on était dans une meilleure situation 8 ans après que l'on est aujourd'hui après la crise de 2007-2008. Pourquoi vous pouvez évaluer ce que vous devez nous dire là ? Au niveau de richesse produite, hein, l'indicateur du PIB qui est critiquable. En gros, il y a une chute plus forte en 1929, mais c'est remonté plus vite. Et les gens étaient plus pauvres, par contre, en 1929. Oui, bien sûr. Non, c'est par rapport au début de la crise et là où on en est 10 ans après. Bien évidemment. Et donc, là, on peut dire que cette crise est vraiment une crise où les politiques, pour faire tenir l'euro sur ce principe de la compétitivité, ont aggravé la situation de tout le monde et on ne voit pas le bout d'une amélioration. Ce que dit aujourd'hui François Hollande, c'est « on voit ça va mieux ». Mais comment ça va mieux ? Il y a une légère amélioration liée à des dizaines de milliards qui ont été versés au patronat pour essayer de les réanimer. Mais dès que ça va mieux en France, ça va moins bien ailleurs, ça va moins bien en Allemagne, ça va moins bien en Espagne. Donc à chaque petite bouffée d'amélioration de la situation économique dans un pays se traduit à l'échelon européen par une dégradation ailleurs. Et on est dans une situation où la vraie histoire, c'est le plat. Donc finalement, cette loi, elle est dans les tuyaux, elle est, je dirais, en gestation, en genèse, depuis combien de temps, à votre avis ? Alors de manière précise, après la crise de l'euro, on a vu émerger une nouvelle gouvernance européenne, notamment autour du semestre européen. Et l'idée, c'est que la Commission examine préalablement les propositions de budget public et en parallèle fait une série de propositions de réformes qui seraient bien de mettre en œuvre. Et depuis 2012, ce processus est mis en place. Et l'idée qu'il faut partout faire des réformes structurelles et réformer le marché du travail est présente. De manière plus précise, depuis 2014, avec l'amélioration de la compétitivité en Espagne, on a des choses très précises qui disent qu'il faut absolument revoir la hiérarchie entre les différentes normes et revoir la question du temps de travail. Donc c'est des choses qui sont précisément dans les documents européens rédigés par la Commission pour le gouvernement européen. C'est aussi présent pour le gouvernement français. C'est aussi présent dans les déclarations. Jean-Claude Juncker a donné une interview au Monde vendredi. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Oh là là, il faut saluer le courage des Grecs, ils ont eu vraiment des réformes terribles, mais ils les ont fait, il faut les saluer. » Quand on voit où vous en êtes en France, la Royal Comrie, c'est juste un tout petit peu de ce qu'il faudrait faire. Vous avez vu le bazar que ça met ? Donc ça veut dire que c'est d'autant plus important de se battre, parce qu'il y a les dangers de celle-ci qui sont très importants, mais il y a tout ce qui arrive derrière. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet de destruction. Vous pouvez imaginer justement ce qui pourrait être préconisé par la suite ? Oui, bien sûr, on peut imaginer une levée des restrictions sur la durée du travail beaucoup plus lâche, la généralisation du statut d'auto-entrepreneur, donc des salariés qui sont beaucoup moins protégés, qui travaillent de manière individuelle. Un élément très important, c'est bien sûr les réformes de retraite. Donc on peut aller jusqu'à 70 ans, il n'y a pas de problème, il y en a qui pensent que c'est ce qu'ils pourraient faire, qui serait raisonnable. Donc il n'y a pas vraiment de limite, puisque l'enjeu, c'est ça aussi, c'est que pourquoi il n'y a pas de limite ? C'est parce qu'il y en a qui gagnent à ce jeu-là, qui essayent de gagner. Et donc, plus ils gagnent, plus ils en veulent. Là, il y a encore une toute petite contradiction, parce que je vous ai dit d'un côté que c'était la stagnation qu'on n'en sortait pas, là, je vous dis, en même temps, ils gagnent. C'est-à-dire que soit ils sont bêtes, soit ils sont bons, et bien, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'en gros, individuellement, les patrons, ils ont intérêt à moins payer leurs salariés. Ça, c'est certain. Et du coup, ils se battent vraiment pour ça. La finance, elle a intérêt à ce que les gouvernements démontrent qu'ils font prévaloir ses intérêts, le paiement de la dette, la stabilité financière, sur les enjeux sociaux. Donc là, il y a vraiment des intérêts très forts. Ça n'empêche pas que, du point de vue macro, du point de vue de la dynamique économique, ça ne marche pas. C'est une catastrophe. C'est ça. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire au niveau des territoires. Voilà. Donc c'est à la fois une lutte de classe acharnée de la part des puissants et en même temps quelque chose qui bute, qui est dans une sorte d'impasse. Parce que ça signifie aussi moins d'investissement, plus la possibilité d'investir, de créer des infrastructures, donc de recréer de l'emploi. Voilà, donc là, il y a deux choses que vous pointez qui sont très, très, très importantes, et il faudrait l'introduire par une troisième, on en discutera peut-être plus, mais qui sont les conditions du mode de développement, hein, c'est-à-dire jusqu'où on veut aller, quel type de croissance, etc. C'est juste pour le rappeler en base layer. Mais si la question des infrastructures, de l'emploi, de l'investissement, c'est la capacité d'une économie à produire des richesses adaptées aux besoins de son temps. Et là, il faut bien voir qu'aujourd'hui, ces décisions-là, d'abord, elles sont insuffisantes en termes de volume. Les infrastructures vieillissent, se fragilisent. Mais c'est également un problème de qualité. C'est-à-dire, quelles sont les priorités? Vers quoi le peu d'investissement qu'il y a, vers quoi il va? Et vers quoi il va? Il va vers des secteurs dominés par un marketing extrêmement agressif, c'est-à-dire des besoins qui finalement ne sont pas si importants, mais on peut réaliser des marges importantes. L'autre élément que vous évoquez, c'est l'emploi. C'est effectivement pas assez d'investissement, c'est pas assez d'emploi. Bon. Et pas assez d'emploi, c'est beaucoup de chômage, et beaucoup de chômage, c'est beaucoup de gâchis. Il faut savoir aujourd'hui qu'en Europe, il y a 42 millions de personnes qui sont soit au chômage, soit au sous-emploi. 42 millions, c'est absolument hallucinant. Les 42 millions de personnes, ce sont les personnes parmi les mieux formées au monde, qui ont le maximum de qualifications. Donc, il y a vraiment un gâchis, le gâchis humain, la souffrance des individus au chômage, des familles déstructurées, les amitiés qui se dissolvent, mais également un gâchis économique, social. Mais ça, on ne le rappelle pas assez. On gâche la ressource aussi. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Peut-être juste une petite chose, mais la question qui fâche tout simplement, est-ce qu'il est possible en ce moment d'élire un gouvernement qui ne promeuve pas cette politique économique, qui ne vote pas pour le pacte de stabilité européen en Europe? Voilà. Est-ce qu'il est possible en ce moment d'élire un gouvernement qui n'aille pas dans cette direction? Vous pointez une difficulté extrêmement importante. Parce qu'on l'a vu en Grèce, hein, bien sûr, à la Grèce. Bien sûr, bien sûr. Le point est le suivant, c'est si politiquement la question européenne n'a pas été articulée avec la question sociale et économique, on va perdre systématiquement. La plupart des gens de gauche progressistes ont une sensibilité internationaliste. Hein, et je fais partie de ceux-ci. Hein, ils rêvent d'une Europe unifiée avec des peuples qui sont rapprochés les uns avec les autres. Mais aujourd'hui, l'Europe, elle ne fait pas ça. L'Europe, elle sépare et elle oppose les peuples. C'est ce que j'évoquais avec la compétitivité. Mais elle aussi, elle interdit les choix démocratiques. Parce que tous les choix économiques sont verrouillés par ce cadre de gestion commun de la monnaie unique et par les procédures budgétaires que j'évoquais précédemment. Un gouvernement qui aujourd'hui veut rester dans l'Europe et refuse d'appliquer les réformes néolibérales, austérité et réformes structurelles, eh bien il se retrouve tout simplement éjecté de fait, comme l'a été Tsipras. Tsipras, les sorties de semaine de la zone euro, hein, quand les banques ont été fermées, on pouvait retirer 50 euros, mais il a décidé de rester. S'il restait, il a dû se soumettre. Sinon, il fallait partir. Il n'a pas eu le choix. C'était ou A ou B. Justement, avec vous, Cédric Durand, on peut peut-être envisager une autre façon d'imaginer, par exemple, une économie, alors peut-être pas qu'au niveau national, pas uniquement au niveau peut-être du territoire, pas seulement en termes de souveraineté nationale, mais peut-être de façon plus élargie. Qu'est-ce que vous pourriez nous soumettre là en quelques idées? Il y a beaucoup d'idées qui circulent pour inventer une autre économie. Et le fatalisme ambiant qui oblige à penser en micro-réformes qui permettraient d'avoir un petit plus social ne marche pas à une époque où les changements sociaux, technologiques sont gigantesques et où les défis historiques liés à la stagnation sont énormes. Donc il faut à la fois avoir l'urgence de la défense contre la loi El Khomri, etc., mais il faut avoir aussi l'audace de l'invention, de l'utopie. Et alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement, hein? Ces questions utopiques qui pourraient se déployer de manière assez précise, on les retrouve soit dans des vieilles idées, soit dans des nouvelles idées. Les vieilles idées, c'est une très vieille idée, le commun, hein, qui est rediscuté beaucoup aujourd'hui. Les communs, c'est quelque chose qui est une des formes marginales héritées du féodalisme et du post-féodalisme. Il y a encore des communes rurales en France, aujourd'hui, où on gère en commun des forêts, des espaces. Bon, cette idée des communs, elle peut se redéployer dans le monde urbain, autour de l'information. Et là, il y a des formes à inventer, il y a beaucoup de travaux très riches qui expliquent comment on fait pour gouverner des communs. Hein, les communs, ce sont des communautés, c'est pas tout le monde. Hein. On définit des communautés, elles ont des règles pour fonctionner, comment on fait pour utiliser la ressource, comment on l'alimente. Mais déjà, donc les communs se basent déjà sur soit la possibilité d'avoir accès à la propriété, soit avoir des ressources propres économiques. Hein. Ce n'est pas tout le monde, comme vous le dites, c'est important quand on parle des communs. Voilà, les communs, c'est pas tout le monde, c'est d'abord des communautés autogouvernées, si vous voulez, autour de l'accès d'une ressource, de la reproduction de cette ressource. Ça peut être une ressource naturelle, on pense à une forêt, mais ça peut être une ressource informationnelle, on pense à Wikipédia, pour avoir deux. Donc ça, c'est une première histoire importante. Mais c'est pas tout. À mon sens, en tous les cas, c'est pas tout. Alors il y a aussi une vieille histoire qui est la planification. La planification, c'est en gros se dire qu'on a des priorités sur le moyen long terme et que par exemple on va décider qu'il faut que en France réduire drastiquement la consommation énergétique et que donc on va faire des investissements massifs pour économiser les dépenses de chauffage et pour construire une infrastructure efficiente. Et bien ça, il faut faire un plan sur 5-10 ans et employer des gens, organiser le travail. Donc là, il y a de la planification qui peut être utile. Ce n'est pas du marché, c'est une volonté d'efficacité. À tout prix, on veut arriver à cet objectif-là. Il y a une logique un peu, effectivement, en avant, a priori. Puis il y a encore d'autres éléments. On peut imaginer des marchés qui vont subsister, qui restent importants. Est-ce que c'est intéressant d'avoir un commun pour gérer la couleur des chaussettes ou alors une planification pour la couleur des chaussettes? Non. Un marché des biens de consommation courants, des biens d'alimentation, il fait sens. Mais ça ne veut pas dire que ce marché, c'est un marché nécessairement complètement dérégulé, complètement mondialisé. Là encore, il y a des choses... Vous nous parlez d'un marché au niveau national, là. C'est ça Non. Des mécanismes marchands. C'est-à-dire des mécanismes... Si vous voulez, le commun, ce n'est pas du prix. Ce n'est pas un prix qui définit comment on utilise les ressources. C'est des règles. La planification, ce n'est pas un prix non plus. C'est des directives, une organisation technique, si vous voulez, du travail. Le marché, c'est un prix qui permet de choisir entre les chaussettes rouges à tel prix et un t-shirt vert à tel autre prix. Et qui fixerait ces prix? Là, c'est un mécanisme, c'est la concurrence qui fixe les prix, hein, c'est un mécanisme de concurrence. Mais on peut limiter ce marché, il a une fonction pour un certain type de biens de consommation. Mais ce marché doit être encadré, en particulier, il ne doit pas être au service du capital, de l'exploitation. Et l'élément décisif ici, c'est le contrôle du système financier. C'est-à-dire que penser l'utopie, c'est penser de mettre fin à la centralisation du pouvoir du capital dans le système financier. Donc, mais vous préconisez la possibilité de sortir du marché global pour recréer un autre marché, qu'on comprenne bien? Non, j'étais autour des principes d'organisation. Je vous ai indiqué trois principes. Le commun, la planification, le marché. Voilà. La stratégie, la question de la stratégie politique, comment on fait pour avancer, elle est un peu distincte. Comment je l'aborderai celle-ci? C'est une question de l'urgence sociale. Donc c'est comment on fait pour donner un travail et un moyen de vivre à tout le monde. Qu'est-ce qui peut permettre ça? Donc moi, à mon sens aujourd'hui, c'est un plan de mobilisation générale pour sauver le climat et pour répondre à l'urgence sociale. On a besoin de tous les bras aujourd'hui pour ne pas saccager davantage la planète. Donc voilà, c'est ça l'urgence sociale. Les principes de développement divers qui doivent être soutenus, qui sont complémentaires, c'est d'un côté les communs qu'il faut développer et d'un autre côté un marché qui va subsister mais qu'il faut encadrer et enlever à la logique d'exploitation du capital et des grandes entreprises. Merci Cédric Durand, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Debout et nous allons faire un petit tour, nous allons poser nos oreilles du côté de l'Assemblée Générale. Ils nous ont dit que c'était bien d'avoir lancé Nuit Debout et qu'eux aussi descendaient dans la rue pour faire leur global debout dans leurs pays respectifs. Donc c'est un week-end qui a très bien marché. On continue d'être en relation avec les internationaux. On va essayer de travailler un peu sur le contenu pour poursuivre Nuit Debout. Et voilà, donc il y a ça. Et il y a aussi... tu viens? Oui, Mimi. Bonsoir. C'est sûr, tu veux pas le faire? Non? Ok. Avant le week-end du 15, avant le week-end dernier, où on s'est retrouvés, où on a pris la parole en Assemblée Générale pour restituer ce qui s'est passé le 7 et le 8. Le 7 et le 8 mai, ici, il y avait 250 activistes internationaux, des gens qui occupent leur place, qui occupent 300 places dans le monde, de 29 pays différents, et qui se sont réunis pour réfléchir à ce qu'on avait en commun, en politique de long terme, ce qu'on allait faire en action de communication, ce qu'on allait faire en action aussi plus dure. Et parmi celles-là, on devait vous annoncer ce soir dans une AG l'URL de ce qu'on a révélé comme action la semaine dernière, qui est une plateforme qui permet d'aller lister, chacun peut le faire, de manière anonyme ou non anonyme, suivant son critère, les sociétés qui ont les pires pratiques dans le monde, que ce soit des pratiques environnementales, dans le droit du travail, etc. D'aller documenter ça, parce que très souvent, il n'y a pas besoin d'aller lancer une enquête journalistique, elle a déjà été faite, et vous pouvez aller mettre des liens et les meilleures ressources. D'aller proposer des alternatives et voter pour ces alternatives. Ça s'appelle la No List. La semaine dernière, quand on l'a annoncé, on n'a pas annoncé l'URL. Depuis, il y a plusieurs milliers de Français qui se sont jetés dessus parce qu'ils l'ont trouvé dans Google. Et si vous tapez Monsanto, Nestlé, McDonald's là-dedans, qui est le deuxième employeur de la planète et le premier propriétaire mobilier des centres urbains, vous verrez que c'est très documenté par-delà leurs produits sur comment proposer des alternatives à leurs pratiques. Je vous invite à y aller. On devait annoncer l'URL ce soir, donc c'est donc fait. Nolist.org. Il y a 300 places de 29 pays qui s'associent pour essayer de porter des campagnes tous les mois vis-à-vis des acteurs les moins populaires ou les plus populaires de la Nolist, en l'occurrence. On va reprendre la parole là-dessus en courant de semaine. Et on est content de vous dire que par-delà la place ici, il y a une commission internationale dont Marie fait partie, dont d'autres sont derrière, et qui essaye de coordonner. On a un vrai problème de ressources. Donc si vous voulez nous mettre un petit mail, webmaster@nolist.org, on a besoin d'avocats, on a besoin de développeurs, on a besoin de petites mains qui lisent les documents, les articles avec nous, on a besoin de traducteurs et on a besoin des autres commissions, si vous nous entendez. On a besoin de coopération, parce que pour coordonner ces places, il y a besoin de plein de savoir-faire. Merci, j'ai été beaucoup plus long que prévu. Merci. Bon, bah, ils étaient deux au final. Et il commence à m'énerver ce truc-là, je vais finir par parler sans, ça va être mieux. Bon bah, plus de femmes, c'est bon ? C'est votre dernier mot, mesdames ? Oui, Jean-Pierre. Oui, Jean. J'ai une tête à m'appeler Jean-Pierre Foucault, pardon. Alain, tu reviens, s'il te plaît. N'oubliez pas de venir vous inscrire au tour de parole, hein. On vous attend, parce qu'on a... On a encore un peu de temps devant nous. Oui, donc je voulais rebondir sur ce qu'on dit des personnes là, notamment Manu, et rappeler le thème du débat, qu'il y en a qui veulent que Nuit Debout devienne un parti politique et rentre dans le jeu des institutions. Donc évidemment, moi j'y suis totalement opposé, évidemment, et comme beaucoup de personnes qui sont exprimées ici. Il y a un camarade qui dit bah, les partis ça sert à rien. Là, je ne suis pas totalement d'accord avec ce qui est fraternellement, hein, je le dis aux camarades qui s'est exprimé. Dans le monde, alors c'est vrai que dans le monde socialiste historique, il y a eu au début du XXe siècle un courant de pensée qui pensait que c'est le parti ouvrier qui devait diriger la société et que finalement les ouvriers déléguaient à ce parti-là le pouvoir. Alors c'est vrai que la première révolution ouvrière victorieuse, elle s'est produite dans un pays très arriéré. Hein. Je fais allusion évidemment à la révolution dirigée par les bolcheviks. Et évidemment, ça a produit un phénomène qu'on appelle la contre-révolution, avec le phénomène du stalinisme, qui est un drame pour l'humanité, qui dépasse le cadre même du drame pour la Russie, puisque le stalinisme a sali le communisme, a sali le marxisme. Et a même éliminé physiquement tous les acteurs de la révolution d'octobre. Et c'est vrai qu'on souffre aujourd'hui de l'idée, un parti, la confusion, l'amalgame entre un parti ouvrier, un parti des travailleurs qui défend les intérêts historiques du monde du travail, et ces partis-là qui se sont évidemment arrogés, enfin une bureaucratie qui s'est arrogée le pouvoir et contre lesquels les vrais communistes se sont opposés, dont... un auquel je pense tout particulièrement, qui est très connu, qui s'appelle Léon Trotsky. Maintenant, après, je pense qu'aujourd'hui, on a fait les militants révolutionnaires qui sont organisés dans ce type de parti, qui défendent le flambeau du communisme révolutionnaire, ont bien compris que ces organisations politiques qui sont utiles à notre classe sociale, elles sont là pour animer le débat, elles sont là pour orienter, mais elles ne sont pas là pour prendre le pouvoir à la place des travailleurs. Et moi, la perspective que je défends, c'est pas la victoire de la gauche ou de la gauche contre la... Pardon. J'ai oublié mon petit badge, justement, que j'ai acheté à la fête de Hello, que je trouve très bien. Un seul camp, celui des travailleurs. Je dis toujours, d'ailleurs, maintenant, moi, je suis pas à gauche, je suis dans le camp des travailleurs. Donc, voilà. Alors, je pense que Nuit Debout n'est évidemment pas un parti politique et ne peut pas être un parti politique. C'est un mouvement de personnes qui sont opposées à la loi El Khomri, et qui réfléchissent sur l'avenir de la société. Il y a des contradictions dans ce mouvement-là. Il y a un courant réformiste qui s'oppose à un courant révolutionnaire hétéroclite. Et on n'a pas besoin de parti, de délégué à un sauveur suprême. Voilà. C'est, donc en cela, je suis... Et il ne faut pas plonger dans ces... Oui, mais le modérateur ne s'exprime pas, mais là, pour le coup, je réponds juste parce que j'ai une réponse qui me trotte directement. On n'est pas un parti et je ne veux pas qu'on devienne un parti. Je reprends ma question de tout à l'heure. Y a-t-il des dames qui veulent parler ? Levez pas toute la main en même temps, je vais me fatiguer. Et une dame, mais qui est à Radio Debout et qui est avec Cédric Durand, toujours. Nous allons clore cette conversation, mais on peut imaginer qu'il y en aurait d'autres. Tant ces questions sont économiques sont complexes, mais en même temps, il faut peut-être s'en emparer pour pouvoir un petit peu mieux comprendre tout simplement ce qui nous arrive. Donc la loi El Khomri, on peut dire qu'elle favorisait plutôt la finance, pour dire les choses très simplement. Voilà. Ce qu'il faut que chacun comprenne, et qui est une idée finalement très simple, c'est que toutes les valeurs qu'on voit accumuler sur les marchés financiers, eh bien, c'est du droit sur le travail que vous allez faire dans les années et les mois qui viennent. C'est des profits anticipés. Et la loi El Khomri, à quoi elle sert ? Elle sert à assouplir le travail et donc annoncer de futurs profits qui vont arriver. Donc il y a un lien très direct entre le cours des actions et les profits financiers, donc le cours des actions et les réformes du marché du travail. D'une certaine façon, pour continuer à vivre, la finance, elle doit déposséder, elle a deux options. Soit dynamiser le capitalisme, donc lui permet de retourner la croissance, on voit bien que ça va, c'est pas là. Soit avoir une logique prédatrice, une logique de dépossession, et c'est ce qu'on voit actuellement à l'œuvre. C'est pour ça qu'il y a un sentiment aussi fort de recul, de dépossession, de destruction de choses qu'on croyait acquises. C'est pas juste une impression, c'est que le capitalisme moins dynamique se met à mordre pour continuer à satisfaire son appétit de profit. Donc il mord sur quoi ? Sur ce qu'on appelait, ce qu'on peut toujours appeler la valeur d'usage, c'est ça ? Alors qu'est-ce que c'est cette valeur d'usage ? Vous pourriez nous redéfinir ces termes ? Ouais, alors, il mord sur quoi ? Il mord d'abord sur les revenus du salarié au sens large, ou le temps où il fait travailler davantage. La valeur d'usage, c'est quelque chose d'un petit peu différent. La valeur d'usage, c'est ce qui fait que lorsque vous êtes au milieu du désert et que vous avez une bouteille d'eau, ben vraiment, elle a une valeur d'usage extraordinaire. Mais par contre, là, à Nuit Debout, il y a 2 heures quand il pleuvait, ben, la valeur d'usage de la bouteille d'eau était un peu moins importante. Mais ce qui est important, c'est que la valeur d'usage, c'est finalement le besoin auquel répond une chose, une marchandise. Mais à côté de ça, il y a la valeur d'échange. Et ben, la valeur d'échange, c'est ce qui fait que un t-shirt et une paire de chaussures et une radio peuvent être comparées. Alors c'est juste elle surfe sur la valeur d'usage et par contre voilà. Elle mord sur la valeur d'échange, exactement. Bien sûr. Exactement. Et du coup, voilà, bon, là il y a un point très important, c'est-à-dire qu'il y a une mystification autour de la valeur d'échange. C'est ce qui nous empêche de prendre conscience de ce qui se passe derrière, dans les processus productifs qui sont derrière les produits qu'on consomme. Voilà, et reprendre le contrôle sur la valeur d'usage, c'est redécider quels sont nos besoins à définir prioritairement et pas les laisser faire par le marché, par le marketing. Merci Cédric Durand, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Debout. Merci beaucoup. Je crois bien que nous sommes toujours à l'écoute. Merci Cédric Durand. Voilà, on peut vous lire également. Je crois que on peut vous lire. Le dernier livre que vous avez publié, Cédric Durand, c'était ? Le Capital Fictif. C'est aux Prairies Ordinaires, c'est sorti il y a un an. Et tout de suite, nous revenons à l'Assemblée Générale. Inventer ensemble. Et après, il y a l'action. Bien sûr, il n'y a pas que la réflexion. Il y a aussi toutes sortes d'actions qui se mettent en place dans plein de domaines. Et ce collectif-là, ça nous sert juste à nous donner du courage et à continuer chacun ce qu'il a à faire dans son travail, dans son métier, dans son environnement, avec ses voisins, avec sa famille, pour développer de l'énergie positive et inventer la suite. Désolé de vous avoir coupé, c'était juste qu'il y avait des gens qui étaient un peu debout. Point technique de François et après Nico. Bonsoir à tous, voilà François, Vagabond d'énergie. Je voulais vous dire qu'on allait vous proposer un petit documentaire d'une quinzaine, vingtaine de minutes, juste après Radio Debout, sur une initiative de deux Vagabonds d'énergie qui sont partis en Europe aller voir les moyens de production d'énergie. Et donc du coup, aujourd'hui, on vous apporte le condensé de tout ça. Voilà. Dans un quart d'heure à peu près. Je suis là. Merci. Juste après Radio Debout. Alors on a dit Nico. Juste derrière Radio Debout pour le film. Voilà, super. Faut parler aussi fort ? Non, c'est moi, j'aime bien parler. Bonsoir Nuit Debout. Je trouve ça formidable Nuit Debout parce que on est tous là à un moment donné, on n'est pas tout le temps là. On vient un peu, on vient beaucoup. En tout cas, on est là et ça fait un mois et demi que ça dure. On essaye d'inventer des formes, on discute beaucoup, on essaie d'inventer des formes, des commissions sont faites pour ça, des nouvelles constitutions, des nouvelles façons de faire. Et je m'aperçois, enfin, j'ai l'impression qu'on pratique, en fait, on est en train de pratiquer une autre forme de société, une autre forme de mouvement qui est horizontale. Pratiquer la politique à d'une autre façon, de manière horizontale. Il y a des grèves, il y a des choses qui se font. Comme ça, ça n'a pas été décidé par un syndicat, ça se fait simplement par connexion. Et voilà. Donc que ça dure, pourvu que ça dure. C'était l'AG donc en direct depuis la place de la République sur Radio Debout. Et donc les vagabonds de l'énergie viendront tout à l'heure, qui étaient en AG il y a quelques minutes, viendront tout à l'heure ici sur Radio Debout pour continuer la réflexion. Mais ici sur la place de la République, effectivement aujourd'hui c'est un peu difficile. Il pleut, il fait froid, il y a aujourd'hui quand même du monde pour l'AG, mais pas assez. Et l'inquiétude, c'est que Bernard Kouchner a décidé de rejoindre le mouvement pour venir soutenir justement cette Nuit Debout. Il montrait en ce moment, c'est une information à prendre avec des guillemets, une ONG Nuit Debout sans frontières pour venir justement soutenir cette Nuit Debout sur la place de la République. Alors l'équipe d'investigation de Radio Debout a mené une enquête. Nous avons essayé de joindre Bernard Kouchner, ce qui ne devrait pas tarder. En attendant, Frédéric Lordon, donc, qui s'était mis au vert dans les montagnes du sud-est mexicain, serait de retour, monté dans l'avion pour venir essayer d'éviter une récupération donc, par Bernard Kouchner de cette Nuit Debout. Il serait dans l'avion, à côté de lui, un passager sans passe-montagne. Ce pourrait être le sous-commandant Marcos. On va essayer d'avoir donc Bernard Kouchner en ligne. Allô, allô, Bernard Kouchner ? Oui, monsieur. Oui, grosse inquiétude sur la place. Il paraîtrait que vous montez une ONG Nuit Debout sans frontières. C'est à quel propos ? Oh, une ONG, n'exagérons rien. Il s'agit de... comment diriez-vous, un mouvement ? C'est-à-dire qu'il s'agit de se mettre en mouvement en ce moment. Vous le savez, je vous le cache pas. Ces temps sont malades. La France est malade. Le monde est malade. Eh bien, écoutez, il va falloir que les médecins s'en occupent. Et il se trouve, vous le savez sans doute, et vous êtes bien aimable de me le rappeler, que je suis médecin, j'ai été médecin. Ben voilà, il va falloir peut-être s'occuper de faire tomber les frontières à nouveau entre les politiques, entre les idées, entre les places. Et ma foi, pourquoi pas ? Voilà. C'est modeste, vous savez, c'est modeste. Alors en attendant, on a entendu parler d'un transal avec des sacs de riz ici pour alimenter la cantine. Pourquoi pas, pourquoi pas n'allons pas dans les caricatures, monsieur. Vous savez, si on peut apporter des bonnes idées, peut-être faudra-t-il les mettre effectivement dans un sac et les déverser sur la place publique. C'est une idée, bien sûr, c'est quelque chose que l'on peut imaginer, qu'on peut essayer de faire. Chacun à sa place, vous à la vôtre derrière un micro, moi derrière, pourquoi pas un sac de riz. Écoutez, c'est quelque chose qu'il va falloir envisager sérieusement. Il y a eu d'autres moments où mes compatriotes ont eu besoin de moi, où la France a eu besoin de moi. Des fois, il faut s'y coller. Vous savez, la dernière fois, c'était avec Monsieur Sarkozy. J'y suis allé, c'était pas de gaieté de cœur. Là, il va peut-être falloir y aller. C'est pas forcément de gaieté de cœur. Alors ici, excusez-moi, je vous coupe, Bernard Kouchner. Je vous coupe. L'AG populaire ici, étendez-moi. Donc nous craignons vraiment une récupération de cette Nuit Debout. Vous parlez d'un mouvement en marche. Est-ce qu'il y a Macron dans l'affaire ? Oh, monsieur Macron. Écoutez, s'il veut rejoindre ce mouvement, il serait bienvenu. Malheureusement, j'ai l'impression que il n'a pas encore un regard qui lui permet de prendre la mesure de la nécessité actuelle. C'est pas avec des autocars qu'il va falloir agir. C'est pas avec des lois vite faites, bien faites, mal faites, comme la sienne ou comme celle de Madame El Khomri. Non, il va falloir se mettre à travailler, à retrousser les manches et aller sur le terrain. Et voilà, peut-être que ce sont des docteurs, des French docteurs qui peuvent faire ce travail, monsieur. Bon, bah écoutez, l'inquiétude bat son plein ici. Nous vous remercions et nous allons essayer de recouper les informations. Effectivement, le Crown Plaza vient d'annoncer qu'il allait libérer le dernier étage pour loger les SDF. Il y a vraiment un basculement là dans cette Nuit Debout. J'en ai entendu parler, oui. Très bien, c'est peut-être encore une manipulation. On va essayer de recouper les informations. Merci et on reprend l'antenne. Ne cédez pas, monsieur, la théorie du complot. N'essayez pas de voir le mal partout. Très bien, on a compris. On va reprendre l'antenne. Merci. Le chanteur Renaud va venir. Coupez. On reprend l'AG, merci. Radio debout. Des violons de l'automne, bercent mon cœur, vous connaissez ? C'est bercer, en fait, c'est comme un enfant. En fait. Ok, vous connaissez, vous, les femmes, vous connaissez ça, les hommes, moins. Bon, ok, alors. Les sanglots longs à vous, des violons à vous. Oula ! Ouh, il y a des lacunes. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. C'est pas fini. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Vous remarquerez qu'ils ont baissé le volume. Les sanglots longs des violons. Et voilà, toujours en direct depuis la place de la République. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique hebdomadaire de Fanch à propos d'un petit papier paru dans le Figaro. Cric-crac. Le Figaro, journal d'investigation politique de droite bien connu, a dépêché un reporter, Vincent Joly, place de la République, qui, dit le quotidien, s'est fondu plusieurs nuits dans le mouvement. Le chapeau de cet article, intitulé « La face cachée de Nuit debout », stipule que, je cite, « les utopistes des débuts du mouvement ont vite été dépassés par les militants d'extrême gauche et autres anarchistes. Ils sont également débordés par les casseurs en tout genre. » Fermez les guillemets. Le problème avec le Figaro, Brice Couturier et même Fielkraut, c'est qu'ils n'entendent pas les philosophes ou les intellectuels qui ont déjà sur place apporté leur soutien à Nuit debout. Ils ne diront sans doute pas plus Gaël Brustier qui vient de publier Nuit debout qu'en penser. L'adage se vérifie bien. Il n'y a pas pire sourd qui ne veut pas entendre. Mais il n'y a pas que le Figaro à se boucher les oreilles. Les radios, les TV se gardent bien de venir s'installer in situ. Trop de frais de déplacement sûrement. En effet, il est plus prestigieux pour France Culture d'aller interviewer Jonathan Franzen à New York que Frédéric Lordon, place de la République. Quant à Jean-Marc Four, le directeur de l'Info d'Inter, il estime sûrement qu'un tel mouvement, après 41 journées d'occupation pacifique de la République, n'est sans doute pas assez le résultat d'un ras-le-bol généralisé, une formidable envie de paroles libérées et de changements élaborés. Le Figaro se moque, France Culture dédaigne et Inter regarde de très loin. Ces médias ont depuis longtemps pris parti contre la Nuit debout et clairement contre un mouvement populaire. Pour eux, le combat, c'est 36, au risque de passer aujourd'hui à côté d'un moment de l'histoire comme en 68, radio et TV d'État sous le sigle ORTF avaient loupé le coche. Pour paraphraser un slogan de 68, je dirais bien « Choisis ton média, camarade !» Et ton camp, bien sûr. Voilà, merci Fanch pour cette chronique. Et tout de suite, on retrouve les élèves des écoles supérieures de théâtre francophone pour une performance sous forme de lecture d'une lettre à plusieurs voix à destination du président de la République. Pour vous raconter le topo, je me promenais sur les réseaux et j'ai vu passer cette lettre ouverte pleine de questions. Ils viennent nous la lire sur Radio Debout. Ils sont 15 au nombre des écoles en France ainsi qu'en Suisse et en Belgique. On les écoute et on en parle avec eux après. Tu voudrais demander quoi au président ? Il répondra pas de toute façon. Il a pas le temps. Et moi non plus. Mais c'est qu'on le prend pas. Un jour, dans mon immeuble, il y a eu une panne de courant. Il faisait déjà nuit. Bon, j'ai râlé. Et merde que je me dis. Ah bon ? Chez vous aussi ? Qu'on me répond. Bah oui, ça doit être à tout l'étage. Vous avez des bougies ? Non. Mais vous vivez ici depuis longtemps ? Pour ainsi dire, depuis toujours. Je vous avais jamais vu. On n'a jamais le temps. Pas le temps d'en prendre, ouais. On devrait s'organiser des coupures de courant plus souvent. Justement. Pourquoi ne pas le couper, le courant ? Pourquoi on ne le fait pas ? Quelle est cette chose qui me retient, qui me fait peur, qui m'empêche de dire non, de me dire « Aujourd'hui, j'irai pas, je ferai pas. » Pourquoi si peur de m'arrêter, de prendre le temps de poser un regard, pour poser des questions. Qu'est-ce qui m'oblige à être là et pas dehors ? Qu'est-ce que je perds à prendre le temps ? De me poser quelques questions. Pourquoi ? Toujours courir, toujours plus vite. Libère mon temps ! Arrête-toi, 5 minutes, qu'on vérifie si tout va bien. Ça n'a pas l'air. Posons-les ces questions. Pourquoi 49.3 ? Pourquoi c'est tatafta ? Pourquoi une lettre de cadrage du MEDEF ? Qui est-ce qui décide ? Pourquoi demander à des chômeurs de faire des économies ? Pourquoi faut-il être rentable ? Pourquoi la dette ? Qui m'a prêté de l'argent ? Quand ? À qui le profit ? Qui sont les véritables profiteurs ? Pourquoi est-ce normal d'avoir peur ? Pourquoi l'état d'urgence dure-t-il si longtemps ? De qui avez-vous peur ? Pourquoi doit-on gagner une vie qu'on a déjà ? Pourquoi faut-il gagner ? Puis-je aimer travailler ? Pourquoi travailler plus que l'on ne vit ? Quand le travail a-t-il cessé d'avoir un sens en dehors de toute valeur monétaire ? Et pourquoi même l'enfant doit-il vivre au rythme de la journée de travail ? Combien ça coûte ? Combien ça coûte de rêver ? Pourquoi je rêve d'argent ? Est-il vrai qu'il faut arroser l'espoir avec de la rosée ? Combien ça coûte l'espoir ? Pourquoi on n'est pas capable d'accueillir des réfugiés dignement en France ? Pourquoi est-ce que j'ai honte d'être français ? Pourquoi plus de place ? Pourquoi claquer la porte ? Et pourquoi toujours le profit avant l'humain ? Nos enfants seront-ils retraités ? Pourquoi précarité prend de plus en plus des allures de misère ? Pourquoi 1% de la population mondiale détient plus que 99% restant ? Et pourquoi j'ai dû vérifier ce chiffre pour être sûr que ce n'était pas une blague ? Pourquoi faut-il que je produise plus que l'année précédente ? Pourquoi faut-il que je sois plus grand que le voisin ? Pourquoi et comment suis-je devenu le fruit de l'arbre du toujours plus ? Pourquoi est-ce si difficile de s'en passer, de faire autrement ? Pourquoi est-ce dans mes veines ? Comment est-ce venu là ? Pourquoi se suicider ? Pourquoi se coudre la bouche ? Pourquoi demandons-nous la parole ? Que faire en tant que jeunes artistes ? Et si on arrêtait ? Quand les trains s'arrêtent, c'est important. Mais nous, ça emmerde qui ? Faire la grève de l'école, ça veut dire quoi ? Et continuer, ça veut dire quoi aussi ? Que peut-on faire ou ne pas faire ? Être ou ne pas être ? Agir ou non ? Suis-je docile ? Pourquoi se battre ? Pourquoi ce bâton ? Faut-il attendre ? Qu'est-ce qu'on attend ? Pourquoi ne pas parler de ça à l'air libre ? Pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de bancs publics ? Comment se retrouver ? Comment sortir de la division et de l'isolement ? Et pourquoi toujours le profit avant l'humain ? C'est quoi, la démocratie ? Est-ce que c'est grave ? Voter pour quelqu'un, est-ce le laisser décider à ma place ? Quelles questions pour vos réponses ? Pourquoi on n'arrive pas à cibler une problématique ? C'est quoi le problème ? Pourquoi on ne comprend pas ? Pourquoi a-t-on peur de ne pas savoir ? Et que fait-on de ceux qui n'arrivent pas à suivre ? Pourquoi introduire par « c'est peut-être une question bête » ? Qui choisit quand c'est bête ? Pourquoi de plus en plus d'antidépresseurs ? Pourquoi les politiques ont tous le même âge ? Pourquoi l'Europe déjà ? Reste-t-il encore quelque part des endroits qui n'appartiennent à rien ni à personne ? Où sont les vaches et les chèvres sauvages ? Jusqu'à quand les abeilles ? Comment planter des courgettes ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai dans mon frigo ? Est-ce que je mange bien ? Ai-je assez pour bien manger ? Pourquoi la pastèque sourit-elle sur l'étalage du marchand ? Et pourquoi toujours le profit avant l'humain ? Pourquoi j'oublie tellement ? Pourquoi des murs au bord de l'infini ? Pourquoi matraque répond à slogan ? Pourquoi gaz répond à chant ? Est-ce que les lacrymos demeurent le seul moyen de nous arracher des larmes ? Quand est-ce qu'ils vont finir les travaux ? Pourquoi ces questions semblent être celles d'un enfant ? Peut-on présenter ça comme ça au président ? Y a-t-il une forme particulière à adopter ? Si la mise en page n'est pas correcte, serons-nous lus ou entendus ? Est-ce que tu m'aimes ? Pourquoi c'est si dur le changement ? Pourquoi j'en ai marre ? Pourquoi tant de pourquoi ? Ça me fait peur de me poser des questions. Ça te fait peur que je m'en pose ? T'en as pas marre d'avoir peur toi aussi ? Pourquoi personne n'entend ? Quand est-ce qu'on arrête de faire semblant ? Est-ce qu'on peut se regarder dans les yeux ? Tu t'appelles comment ? Pourquoi veux-tu être président ? Qu'est-ce qui te rend heureux ? Est-ce que parfois tu t'écoutes respirer ? Vous posez-vous toutes ces questions ? Pourquoi ne pas répondre ? Monsieur Hollande, Est-ce qu'on peut parler à ton supérieur? Nous posons ces questions pour remettre du trouble dans les vérités qui nous sont assénées. Nous posons ces questions contre ce futur précarisé auquel on nous destine, auquel on nous oblige. Nous posons ces questions tant qu'il est encore temps de se les poser. Nous posons ces questions, fut-il, déconnecté des enjeux mondiaux et les jeux du pouvoir qui réagissent le monde, peut-être, mais connecté aux êtres, aux gens, trop souvent oubliés. Nous posons ces questions. Nous cherchons un état d'être au monde, un vivre ensemble à réinventer, une joie commune, une évidence, l'essentiel. Nous posons ces questions, parce que nous n'avons pas toutes les réponses. Au nom de ce futur... Des étudiants. Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. École de la Comédie de Saint-Étienne. École nationale supérieure d'art dramatique de Montpellier. École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre de Lyon. École professionnelle supérieure d'art dramatique de Lille. École régionale d'acteurs de Cannes. École supérieure d'acteurs de Liège. École supérieure d'art dramatique de la ville de Paris. École supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Bretagne. École supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg. Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion de Bruxelles. La Manufacture, haute école de théâtre de Suisse normande. Studio École supérieure de comédiens par l'alternance d'Anières. Écoutez, écoutez, parlez, comprendre. Radio Debout. Rendez-vous sur le SoundCloud pour le podcast. Un grand merci aux élèves des écoles supérieures de théâtre francophone pour cette prestation, cette lettre ouverte adressée au président de la République, François Hollande. Et tout de suite, on va les retrouver pour qu'ils nous en parlent un peu plus avec Thomas, Éléonore et Selim. Le temps qu'on s'installe peut-être un peu à table, histoire de se mettre à l'aise. Allons-y, avançons, asseyons-nous. Vous allez voir, on sera tout de suite plus installés. Alors bonsoir à vous, tout d'abord j'ai une première question à vous poser. Qu'est-ce que c'est que les écoles supérieures de théâtre francophone ? Alors des écoles de théâtre francophone, il y en a évidemment beaucoup, beaucoup. En France il y en a 12 et il y en a aussi plusieurs en Belgique, en Suisse évidemment et dans tous les autres pays francophones. Ok super, ça recadre pas mal le sujet. Dites-moi cette lettre que vous avez écrite au président de la République, il l'a lue ? Oui, comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu cette histoire. En fait, il se trouve que le week-end dernier, donc le 14-15 mai, il y a une association qui s'appelle l'AFUT qui regroupe justement les élèves de 15 de ces écoles francophones, donc les 12 françaises, 2 suisses et une belge. 2 belges et une suisse, pardon. Et à l'occasion de ce week-end où on était tous rassemblés, on était à peu près 350, on s'est dit que c'était évidemment l'occasion de faire quelque chose politiquement. Et hasard de calendrier, deux directeurs de nos écoles, donc Claire Lannes, directrice du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, et Stanislas Nordet, directeur du TNS à Strasbourg, déjeunaient avec François Hollande mercredi midi avec des directeurs d'écoles d'art. Donc on s'est dit que Claire Lannes, justement, pouvait être notre porte-parole et remettre une lettre en main propre donc à François Hollande. Donc on a eu accusé de réception, la lettre a été lue. Voilà. D'accord, c'est une super histoire. Le TNS était occupé là il y a quelques semaines par les étudiants ? Le TNS était occupé par plus que des étudiants, d'ailleurs tout le CIP Alsace. Et tous les Nuits Debout et tous les pas contents d'Alsace y étaient. C'était occupé dans une optique amiable avec l'établissement et il n'y a pas eu de friction, disons, avec la direction. Il y a même eu un soutien de la part de Nordel, il me semble. Disons, tacite, dans la mesure où, évidemment, son poste lui interdit d'autoriser ouvertement l'occupation des lieux. Mais comme je dis, c'était tout à fait à l'amiable. Il y avait une salle qui était réservée pour toutes les AG. Il y a eu plusieurs AG au TNS où l'administration a pris part et a fait part de son soutien logistique, en tout cas, au mouvement. L'association AFU que vous avez montée, qui permet de vous retrouver entre écoles, Elle sert à quoi ? Alors c'est une association qui a été créée en 2011 à l'initiative des élèves de l'école de Saint-Étienne qui ont décidé de pérenniser un rassemblement annuel entre tous les élèves de l'école, des écoles, pour qu'on puisse se rencontrer, pouvoir débattre sur nos formations et créer une sorte d'horizontalité, puisqu'au final on fait tous le même métier, on travaille tous dans le spectacle vivant et on finit tous par se rencontrer. Donc c'est juste dans l'idée d'accélérer les rencontres et de créer du débat le plus rapidement possible. Voilà, pas attendre la sortie des écoles. Que l'idée, c'est de vous mettre en lien avant même d'arriver sur le marché du travail, puisque c'est de ça qu'on parle. Voilà, dans l'idée, et parce que le théâtre aussi, il se fait avec des gens qui travaillent déjà en sortant des écoles, mais il y a aussi des compagnies qui se créent au sein des écoles, et l'idée, c'était aussi de pouvoir permettre aux gens de se rencontrer pour créer peut-être des compagnies entre eux, d'organiser des ateliers, des workshops, de transmettre, de partager un peu nos formations et nos points de vue aussi, et sur le monde, ne pas subir en fait, entre guillemets, ou ne se poser des questions sur le monde dans lequel on vit, les formations qu'on nous donne, puisqu'on sera sûrement amené, nous, un jour, à donner ces formations-là dans ces écoles. En fait, il faut dire que dans nos différentes écoles, il y a des points de vue pédagogiques assez différents. Et se rencontrer, ça nous permet vraiment d'échanger sur les différentes pédagogies de nos écoles, qui ont une préparation à l'avenir assez différente, somme toute. Et même au niveau pratique, on n'a pas du tout les mêmes enseignements, ni les mêmes façons de fonctionner. Donc c'est vraiment un atout en fait, de savoir ce qui se fait dans les autres écoles pour ne pas du tout qu'il y ait de barrières ou quoi que ce soit qui n'ont pas lieu d'être en fait, puisqu'on sera tous, on fera la même chose à la sortie quoi. Dans les écoles, il y a non seulement des acteurs, mais il y a aussi des metteurs en scène, des régisseurs, des scénographes, des costumiers, enfin c'est les écoles de théâtre, hein, pas les écoles de comédiens. Ça regroupe beaucoup, ça ratisse des métiers beaucoup plus larges en fait que juste acteurs. D'accord, c'est bon de le souligner, ça. On a tendance à toujours garder les acteurs en tête. Du coup, on se rend compte, on débat, on essaie de construire quelque chose. Ça arrive que vous montiez des compagnies avant même d'arriver sur le marché ? C'est vache de dire ça, mais... C'est, en fait, monter une compagnie, c'est créer une association. Ça, il faut envoyer des papiers à la préfecture, donc on peut le faire n'importe quand. Généralement, on n'a pas le temps en école, donc techniquement, la compagnie, elle se crée après. Mais les affinités, les groupes de travail se créent souvent au sein des écoles. Et l'affût et le regroupement justement de ces écoles permettent de créer des compagnies plus riches que si on a tous le même enseignement et qu'on fait une compagnie à la sortie. Bon, on sait ce qu'on fait, mais de s'ouvrir sur les autres enseignements, ça permet de créer des compagnies plus riches et plus diversifiées, quoi. Surtout au niveau des méthodes de travail et de ce qu'on veut dire, faire. Thomas, je te vois au pied du chef, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je suis absolument d'accord que c'est le but de l'association, voilà, créer des rencontres. De se croiser aussi bien sur un plateau de théâtre qu'en dehors, aussi bien autour d'un café que d'une table ronde et d'un débat animé. Le principal, voilà, c'est de se rencontrer et de créer, voilà, provoquer la rencontre. Petite question, là, dans quelques mois ou années, en fonction de vos niveaux d'école, vous allez arriver dans le milieu du travail, vous allez tous chercher des rôles, on va certainement vous en proposer, je l'espère. Vous envisagez ça comment ? Bien, vous êtes un peu apeuré, ou alors à l'contraire, vous vous dites ça va rouler. Comment ça se passe ? Je pense que c'est une question qui est assez personnelle en fonction des gens. En tout cas, peut-être qu'on a une certaine sécurité du fait qu'on ait fait des écoles nationales et que, au moins au début, il y a un premier pied qui est mis à l'étrier. Après, c'est des métiers où il n'y a jamais rien qui est acquis. Et on a aussi fait ce choix-là en connaissance de cause, et on sait que c'est des parcours qui vont et qui viennent au gré des marées, au gré des rencontres, au gré des envies, et c'est quelque chose auquel on s'attend, je pense. Pas d'inquiétude particulière, j'ai l'impression, là, vous écoutez, c'est chouette. Si, si, non, mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Je pense que ce métier-là, en fait, il faut avoir une certaine part de naïveté, d'utopie pour le faire, et en même temps être très terre-à-terre, et c'est peut-être... ce truc-là qu'il faut savoir gérer, du fait que y a beaucoup d'incertitudes. Et puis du fait de tout ce qui se passe en ce moment, de l'intermittence qui est remise en question, on se pose énormément de questions sur comment est-ce qu'on va pouvoir vivre, est-ce qu'on va pouvoir en vivre, est-ce qu'il va falloir faire autre chose à côté, est-ce qu'on va pouvoir vivre de notre métier en fait toute notre vie, et est-ce que le régime qui existe va continuer d'exister. On se bat aussi aux côtés des intermittents pour certains d'entre nous qui sont encore en école. Donc si, on se pose ces questions, bien sûr. Merci beaucoup à vous 15 d'être venus ce soir à la table de Radio Debout pour nous lire votre lettre au président de la République. Comment est-ce qu'on fait pour vous retrouver? Réseaux sociaux, quelconque adresse mail, peut-être lieu réel? Alors, lieu réel, on a la chance et l'extrême force d'être sur 15 écoles et dans 3 pays différents, donc lieu réel, pas trop. Après, on a une page Facebook, AFUT, un groupe Facebook, AFUT, A2FUT. Et on a un site internet qui est encore en cours de construction et qui sera disponible et actif dans 15 jours. Voilà, et si vous voulez prolonger le débat et nous faire part de vos opinions sur la lettre et tout ça, vous pouvez nous écrire à association.afut@gmail.com. Voilà. association.afut@gmail.com. Merci à vous tous d'être passés nous voir ce soir à la table de Radio Debout. On espère que François Hollande va quand même prendre quelques minutes pour répondre à ce courrier. Si c'est le cas, vous nous faites signer quand même. On vous fera signer. Comme ça, on retranscrit tout ça sur Radio Debout. Merci à vous 15. Merci. Tous les soirs, place de la République, Radio Debout s'installe, c'est magique. 3-4 heures en live, oui c'est super, yeah. Que tu puisses capter l'atmosphère, c'est pas une illusion. Radio Debout. Radio Debout. Tous les soirs en live. On installe la table. Tous les soirs en live. On déroule les câbles. Tous les soirs en live. On branche les mailles. Et tout de suite, on retrouve Manon avec les vagabonds de l'énergie. Mais de quoi s'agit-il? Eh ben, ils vont peut-être nous l'expliquer. Je suis à table avec... François, et Robin. Salut les gars. Alors, qu'est-ce que c'est les vagabonds de l'énergie? Alors, les vagabonds de l'énergie, c'est une association qui a été créée en 2011. Qui avait pour but de regarder un peu comment on produit l'énergie dans le monde et comment ça se passe vraiment dans chaque pays. Donc il y a eu un voyage de 11 mois, donc Arnaud et moi-même, en Europe, au Moyen-Orient et en Inde. Et on a filmé un peu partout des hydroliennes, des mines de charbon, etc. Tout un tas de projets de production d'énergie pour savoir... pourquoi il y a des énergies dans certains pays, pourquoi d'autres dans d'autres pays. Et voilà, on est revenu avec des images qu'on va vélo-projeter ce soir. Et François reprend avec Clément le flambeau pour une deuxième session cette année. Alors peut-être que François, tu peux nous en dire un peu plus sur votre projet à vous. Avec et plaisir. En quoi il diffère de celui de Clément et... De Robin et Arnaud, je me souviens. Ok. Alors tout d'abord, merci déjà à Nuit de vous pour la radio. Et après, donc, du coup, quand on a vu le premier documentaire des Vagabonds de l'énergie, il en est né une problématique humaine en fait, de ces défis technologiques, puisque c'est très intéressant de connaître plein de techniques de production d'énergie, mais le principal, c'est aussi de demander en fait, qu'est-ce que l'homme fait par rapport à sa propre production d'énergie, comment est-ce qu'il la conçoit, comment est-ce qu'il la consomme. Et du coup, de par ce premier documentaire, on s'est dit, ça serait bien, on va reprendre le flambeau des Vagabonds de l'énergie et on va faire un documentaire là sur l'homme, son appropriation, sa responsabilisation, son autogestion et pourquoi pas même son absence de consommation d'énergie. Donc là ça va être une observation des moyens de la production d'énergie mais à plus petite échelle en fait. Parce que j'ai l'impression que ce qu'avaient fait Robin et Arnaud c'était n'importe quelle production d'énergie, enfin, c'était pas forcément les énergies alternatives. Non, en fait on voulait vraiment voir tout le spectre. Et on a vu des gros projets avec des grosses centrales bien, bien dégueux comme on les connaît. Et on a vu des éco-villages aussi où les gens produisent ça localement. Mais on a vraiment vu un maximum de choses. Et là, je pense que François et Clément essaient de faire, c'est un peu voir comment si les gens perçoivent l'énergie en fonction du pays dans lequel ils vivent, en fonction de leur culture, en fonction de tout un tas de paramètres qui changent énormément. Donc plus le facteur social de l'énergie. C'est ça. Pour résumer. Et alors ça va être quoi votre parcours ? Alors on part à peu près en septembre, on est toujours en train de chercher un bateau à voile pour traverser l'Atlantique. À bon entendeur. C'est ça, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, pas de souci. On cherche à traverser l'Atlantique, à arriver en Amérique du Sud ou centrale, et puis passer là-bas quelques mois, s'imprégner de la culture, de la façon de faire, des habitudes, des besoins de consommation, essayer de trouver les projets les plus économes, les manières de vivre alternatives. Et puis après, traverser le Pacifique pour se rendre en Asie. Et là, continuer dans la même démarche, à voir aussi, par exemple, comment est-ce qu'on fait après une catastrophe nucléaire, comment est-ce qu'on fait par rapport à un projet d'une ampleur phénoménale comme le barrage des Trois Gorges en Chine, ou comment on fait en Mongolie pour avoir de l'énergie, plein de petits projets alternatifs. Juste, si je peux me permettre, pour donner un petit exemple, en fait, parce qu'on se dit, la sociologie de l'énergie, qu'est-ce que ça peut être ? Nous, on a un exemple assez frappant, c'est la différence entre la Turquie et le Liban, donc qui ont des conditions d'ensoleillement sensiblement les mêmes. En Turquie, il y a des panneaux solaires pour chauffer l'eau, pour avoir de l'eau chaude chez eux. Il y en a sur tous les toits, ils installent ça systématiquement, parce que c'est le système le plus intéressant, le moins cher, et c'est ce qui se fait. Et à 200 km de là, à Vol d'Oiseau, au Liban, et bah c'est pas du tout ça. Ils chauffent de l'électricité un peu comme en France avec des ballons électriques. Ça leur coûte très cher. Ça fonctionne avec du fioul qui vient d'autres pays. Il y a des pénuries d'électricité quotidiennes. Et du coup, c'est aussi ça, les grosses différences dans des pays. C'est pas forcément une question de technologie. Et c'est peut-être notre retour du premier voyage. Et c'est aussi pour ça que ça mérite de creuser la question. Et alors... J'avais une super question, mais je m'en souviens plus. Mais ça y est, j'ai retrouvé. Vous êtes sorti de votre voyage avec un film, un documentaire, donc, qui est projeté ce soir sur la place. Et vous, alors, vous allez... Alors, pendant la route, pour ne pas laisser tomber tout le monde qui nous soutient et qui nous suit depuis déjà un an, on voudrait faire des micro-reportages en fonction de la pertinence des projets qu'on croisera. Et en retour, par contre, copiler tout ça pour trouver un super documentaire et le diffuser le plus largement possible. Mais est-ce que vous, à la base, vous travaillez dans l'énergie ou rien à voir ? Oui. Alors, Arnaud et moi, quand on est partis, on était encore étudiants. Donc on avait stoppé nos études. Une chose est sûre, c'est qu'on n'est pas des spécialistes du montage vidéo ni de la prise vidéo, donc ça reste un travail amateur, mais ça nous permet aussi d'éviter de tomber dans certains biais, je pense. Et oui, on travaille tous un peu dans l'énergie. Pour ma part, je conseille les gens dans le cadre de leur projet de rénovation de logement, etc., donc pour faire des économies d'énergie. Je sensibilise aussi les gens. Arnaud travaille sur des projets dans une entreprise qui s'appelle GoSol qui travaille sur comment faire du solaire en low-tech, c'est-à-dire avec des technologies très très simples dans les pays où l'ensoleillement est vraiment abondant. Et pour François et Clément, c'est d'autres métiers. Voilà, moi je suis rénovateur thermique, donc j'essaie d'apporter les meilleures solutions d'isolation dans les maisons, le plus en respect du patrimoine. Et Clément, lui, est aussi conseiller énergie. Voilà. Donc, tout se regroupe. Mais on est technicien, pas sociologue, ni monteur vidéo. Mais du coup, là, on se fait beaucoup épauler par des sociologues de l'énergie pour monter le projet, pour apprendre, pour se former. Et aussi par des monteurs vidéo spécialistes pour apprendre. Pour apprendre à prendre les bonnes images sur place. C'est ça. Et l'importance de la qualité du son, de l'image, voilà, tout ça. Alors, juste une dernière question pour toi, Robin, qui est déjà parti, qui est revenu. Sûrement tout le monde te la pose, mais quel est le projet qui t'a le plus marqué ? Disons, à petite échelle, ce qui m'a vraiment marqué, c'est de voir que dans certains villages, on peut être totalement autonome en énergie. Et d'une vision française telle que je l'avais avant, c'est-à-dire un système de production d'énergie hyper centralisé avec des centrales et très peu de points de production au niveau individuel, en tout cas pour le moment. De voir que dans certains villages, ils sont totalement autonomes, c'est vraiment encourageant. Un peu désespérant aussi de voir que ça ne se développe pas aussi vite qu'on l'aimerait. Et un autre fait marquant, c'est en Inde de voir que la déforestation, l'utilisation de bois qui est indispensable pour beaucoup de personnes dans les campagnes pourrait être remplacée par des solutions solaires vraiment low cost, c'est-à-dire facilement facile à mettre en place entre guillemets. Et ça pourrait vraiment avoir un impact important et positif. Donc j'espère aussi que ça ne va pas repartir dans un biais des sociétés occidentales avec des systèmes de production hyper centralisés et que ça va plutôt s'orienter vers des solutions ponctuelles et locales. Ça marche. Merci beaucoup. Et alors, comment on fait pour suivre vos nouvelles aventures? Les Vagabonds de l'énergie. Ok, vous avez un Facebook? On est partout. D'accord. YouTube, Facebook, on est derrière vous. Ouais. et vous partez quand? On aimerait partir en septembre. Ça marche. Bon, bah, merci beaucoup les gars. Bonne merci soirée. À vous. Et merci à bientôt. Merci à de vous et continuez. Et je passe le micro à Alice. Merci Manon, merci les Vagabonds. Encore une belle soirée qui s'achève sous la bâche de Radio Debout avec une petite pluie. Peut-être que vous entendez doucement le crépitement des gouttes sur le plastique au-dessus de nos têtes. Et voilà, on a ouvert l'antenne avec Simone Veil et on s'est dit que ce serait bien de fermer l'antenne avec Aimé Césaire. À côté de moi, enfin en face de moi, de l'autre côté de la table, il y a Jordan avec son didgeridoo qui est là. Donc en fait, moi je vais lire un texte qui est situé à la fin de ce très beau texte qui est le cahier d'un retour au pays natal et Jordan va jouer. La négraille, aux senteurs d'oignons frits, retrouve dans son sang répandu le goût amer de la liberté. Et elle est debout, la négraille assise, inattendument debout, debout dans la cale, debout dans les cabines, debout sur le pont, debout dans le vent, debout sous le soleil, debout dans le sang, debout et libre. Debout et non point pauvre folle dans sa liberté et son dénuement maritime, girant à la dérive parfaite, et la voici, plus inattendument debout. Debout dans les cordages, debout à la barre, debout à la boussole, debout à la carte, debout dans les étoiles, debout et libre, debout et libre, et le navire lustral s'avançait impavide sur les eaux écroulées. Thank you. Merci Jordan, merci la Radio Debout, encore une belle soirée qui s'achève. Et on rappelle que demain c'est relâche et qu'on vous retrouve par contre la semaine prochaine. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir et bonne nuit.